Avant d'avoir le plaisir d'écouter Christophe Darmangea, je voudrais d'abord présenter rapidement l'enjeu de cette troisième année du séminaire. C'est notre séminaire d'équipe. Je le rappelle pour les nouveaux et pour notre intervenant du jour, c'est notre séminaire d'équipe, donc au sein duquel les problématiques qui nous tiennent le plus à cœur dans ce laboratoire sont explorées comme telles. Alors notre idée depuis trois ans, c'était de prendre ce gros concept de domination et de se demander, avec toute la naïveté que ça comporte, quoi de neuf depuis Bourdieu sur ce concept de domination, hein, sachant que Bourdieu déjà a donné à ce concept de domination des déterminations, des couleurs nouvelles, en attirant d'une part l'attention sur ses aspects extra-économiques, et d'autre part s'intéressant aux aspects proprement agonistiques, hein, qui peuvent se greffer à la notion de domination. Alors il me semble que si on fait, sans faire le bilan, mais si on fait le rappel de quelques idées qui se sont dégagées ces deux dernières années, on peut en isoler quelques-unes. D'une part, le concept de domination, nous avons vu que en s'investissant dans des régions nouvelles, en particulier la région du travail, avait acquis là aussi des déterminations supplémentaires et complémentaires. On a vu par exemple que les théories de la reconnaissance permettaient de lui donner plus d'épaisseur anthropologique en quelque sorte. On a vu aussi que l'épaississement de la médiation psychologique, en tout cas d'une médiation psychologico-individuelle chez un auteur comme Lahire, permettait aussi d'élargir la perspective. Et la deuxième chose que nous avons vue, c'est que en l'approfondissant, ce concept de domination devait être articulé à d'autres concepts critiques de niveau comparable, par exemple le concept d'aliénation, le concept de réification ou les concepts d'infériorisation culturelle ou symbolique. Enfin, troisième chose qui nous a intéressé particulièrement l'année dernière, nous nous sommes demandé dans quelle mesure on pouvait réactiver l'idée qu'il existe des dominations anonymes, hein, des dominations qui mettent en cause des fonctionnements systémiques plus que des rapports de force individualisables et sur lesquels on pouvait mettre un visage, d'où notre interrogation l'année dernière sur le statut de la technique ou même plus concrètement de la financiarisation. Alors dans cette troisième année du séminaire, nous continuons à nous interroger sur quoi de neuf dans les sciences sociales, et accessoirement en philosophie, quoi de neuf dans les sciences sociales à propos de la domination. Et je dois dire que c'est la lecture conjointe de deux grandes œuvres francophones, hein, la tienne, Christophe, et celle du regretté Alain Testard, qui nous ont convaincus, les unes et les autres, de revenir sur un de nos plus vieux préjugés bourdieusiens, l'idée que la comparaison et la longue durée étaient en sciences sociales plutôt source de confusion ou d'illusion plus que d'éclaircissement. L'idée qu'une bonne perspective comparatiste autour de l'idée de domination et d'une perspective de longue durée sur les origines de la domination pouvait vraiment permettre d'éclairer les choses et pouvait encore une fois permettre de montrer que le paysage contemporain de l'analyse de la thématique de la domination était en train de bouger, de s'élargir, de s'enrichir. Donc, il est donc, en revenant aux bonnes vieilles questions anthropologiques les plus classiques, les plus constitutives, l'origine de l'État, l'origine des inégalités et des hiérarchies, en revenant à ces bonnes vieilles questions classiques et en montrant qu'elles sont actuellement discutées de façon extrêmement vive, nous pouvions réussir à compléter notre paysage, le paysage que nous souhaitons dresser autour de cette question de la domination. Alors, c'est avec un très grand plaisir, un très grand honneur pour nous, d'ouvrir cette troisième année du séminaire avec ton œuvre, avec ta présence et en arrière-plan ton œuvre. Donc, Christophe Darmangea, je rappelle que tu es enseignant-chercheur à l'Université Paris Diderot et tu es invité en raison de l'existence de deux livres très importants, extrêmement originaux, extrêmement rafraîchissants, dirais-je aussi, dans le paysage de la théorie sociale contemporaine. Le premier livre est paru en 2009, réactualisé, me semble-t-il, en 2012. Il s'intitule « Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était ». Et un deuxième livre est sorti cette année, s'intitulant « Conversation sur la naissance des inégalités ». Eh bien, tu as la parole. Ah oui, j'espère être à l'honneur, à la hauteur de cette présentation flatteuse. Je vais donc, comme c'est prévu, essayer de vous présenter en trois gros quarts d'heure, on va dire, un peu quelques éléments sur donc ce que l'anthropo peut raconter de nos jours, ou certains anthropologues ont pu raconter de nos jours sur certaines formes de domination. Alors il va de soi qu'on est en train de couvrir quelques dizaines de milliers d'années d'histoire de préhistoire. Le tout en trois quarts d'heure, il va de soi qu'il y a des choses qui vont aller vite, voire très très vite. Et donc, première astuce lamentable, je vais évidemment traiter certaines choses à la hache, et même pas poli, évidemment, puisque ce sera dans le paléolithique. Voilà. Excusez-moi. Alors, juste pour vous dire un peu ce que je voudrais vous raconter, si j'arrive à me tenir à peu près au. À ce qui est prévu, donc je voudrais discuter sur comment est-ce qu'on peut périodiser, classifier, enfin, un peu sur ce que tu disais. Bon, il y a des gens qui refusent le comparatisme, mais enfin, si on veut faire de la science sociale, c'est quand même très embêtant de ne pas faire de comparatisme, parce que là, on se retrouve à plus rien dire. Et donc, ceux qui font, en tous les cas, de l'archéologie, ils ont été amenés à faire des catégories, des périodes et des choses comme ça, parce que sinon c'est pas la peine, ils vont se coucher tout de suite. Et en sciences sociales, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont essayé de raisonner par catégorie de société. Donc je vais essayer de vous montrer un peu les différents points de vue autour de ça et les problèmes des différentes choses, ne serait-ce que pour que vous compreniez ce que je situe ensuite, parce que si ensuite je situe des phénomènes en disant ça c'est dans tel type de société pas dans tel autre, si on ne voit pas du tout de quel type je parle, évidemment on ne peut pas s'y retrouver. Et puis je voudrais donc aborder deux formes de domination. Je ne prétends pas du tout épuiser le sujet ni au sujet de ces deux formes ni sur la domination en général, mais enfin voilà, donc ce qu'on pourrait appeler la domination économique et dans le vocabulaire, alors donc pour jouer les cartes sur table et annoncer la couleur, en ce qui me concerne, elle est rouge, comme vous l'aurez remarqué. Donc moi, je ne suis pas du tout bourdosien, mais par contre, je suis complètement marxiste. Donc, parler d'exploitation et de, voilà, quand ça remonte, sous quelle forme, quand est-ce que ça a pu apparaître, et voilà. Et puis, un autre thème qui m'a pas mal occupé, c'est la domination. Alors, est-ce qu'on doit appeler ça de sexe, de genre? Je voudrais éviter de rentrer dans cette longue et difficile discussion. Mais enfin, en tous les cas, disons les rapports hommes-femmes, l'oppression des femmes, la domination masculine, appelons ça comme on veut. Mais enfin, on voit tous en gros de quoi il s'agit. Bah, pareil, à quand ça remonte? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, bah, je commence donc par ces histoires de périodisation et de classification. Comment est-ce qu'on peut situer, regrouper les sociétés, etc. Il y a une première approche qui est l'approche, disons, par des critères techniques, qui est l'approche spontanée de l'archéologie. Depuis qu'on fait de l'archéo, c'est-à-dire en gros depuis le 19e siècle, les sociétés nous laissent des traces matérielles, disons essentiellement des outils. Et puis on s'aperçoit que n'importe quel outil n'a pas existé à n'importe quelle époque. Et puis donc après on fait une chronologie basée sur les outils. C'est le principe de ce qu'on a fait pour l'Europe dès le 19e. Et où donc on va, alors je vous ai mis comme ça les grandes périodes de la préhistoire. Le paléolithique, c'est-à-dire la pierre ancienne, c'est-à-dire la pierre taillée, d'où la mauvaise blague du début. Ensuite on a une période qui est caractérisée éventuellement par la domestication du chien, on n'est pas très sûr, mais en tous les cas par l'arc. Voilà. Ensuite le néolithique, dont j'imagine que tout le monde a entendu au moins le nom une seule fois, alors qui est difficile à caractériser. Il y a plein de choses qui arrivent, mais pas en même temps, c'est un peu compliqué, mais enfin en gros, la poterie, la sédentarité, l'agriculture, l'élevage. Voilà, on va faire un pack. Et puis après, le travail des métaux avec successivement le cuivre, le bronze, le fer. Alors, une périodisation comme ça est évidemment parfaitement utile, parfaitement nécessaire, et voilà. Le problème, c'est qu'elle m'épuise, elle est loin d'être satisfaisante quand on se met à étudier les sociétés, pour deux raisons. D'abord, c'est qu'elle est, on ne la retrouve pas telle qu'elle partout. C'est-à-dire que les êtres humains et les sociétés humaines ont eu le mauvais goût de ne pas faire les inventions techniques partout dans le même ordre. Alors, pas partout au même rythme, ça c'est évident, on sait très bien que le 19e siècle Il y avait encore des peuples de chasseurs-cueilleurs, alors qu'il y en a qui étaient déjà à la révolution industrielle, mais surtout, il y a des gens qui avaient inventé d'abord la poterie et puis l'agriculture des milliers d'années plus tard. D'autres, ils avaient inventé l'agriculture, mais ils ont trouvé la poterie des milliers d'années plus tard, etc., etc. Alors, je ne dis pas qu'on peut tout mettre dans n'importe quel ordre, mais enfin, il y a, vous voyez, le classement ne marche que pour l'Europe, que pour ce petit bout de la planète qui est en Europe, et puis dès que vous allez ailleurs, paf, c'est le bazar. Donc, déjà, premier problème. C'est pas donc une périodisation universelle, c'est pas une périodisation qui marche partout. Ce qui n'empêche que du coup les archéologues fassent d'autres périodisations techniques selon les endroits où ils cherchent, hein, ça, ils sont bien obligés. Mais donc, quand on étudie les sociétés, c'est un premier problème. Et puis alors, le deuxième problème, c'est que les structures sociales ne sont pas, ne se calquent pas précisément sur ces périodes techniques. Je prends un exemple, j'allais dire tout bête, mais enfin il n'est pas tout bête, c'est l'apparition de l'État. Bah, vous avez des sociétés qui en sont au fer et qui n'ont pas d'État, typiquement les Germains de l'époque des Romains, et puis vous avez des sociétés qui en sont à peine au bronze et qui ont un État, voire qui en sont au cuivre en Amérique, et encore en Amérique, est-ce qu'on peut même parler d'âge du cuivre, on ne sait pas trop bien, parce que voilà, et ils ont déjà un État. Et même en Méditerranée, enfin, pour parler de zones un peu plus proches de nous, Mycène ou l'Égypte, l'État était né dès les débuts du bronze, manifestement, en tous les cas avant le fer. Donc tout ça ne colle pas, tout ça fait qu'on ne peut pas se contenter d'une périodisation technique. On a besoin de savoir quelles inventions se sont passées à quel moment, mais voilà, on ne peut pas en rester. Alors traditionnellement, dans le courant marxiste, on va essayer de parler des sociétés en termes de structure sociale. Et puis il y a une périodisation, j'allais dire, un peu spontanée chez les marxistes. On dit, nous on vit dans des sociétés de classe, alors ça c'est bien connu, le capitalisme n'en étant qu'une variante, il y a eu différents modes de production, le féodalisme, le mode de production asiatique, le mode de production antique, tout ce que vous voulez. Avant, il y avait le communisme primitif, une chose dans laquelle il y avait ni classe ni exploitation, ni forme de domination, j'y reviendrai. Alors évidemment, il y a un petit souci, c'est qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Parce qu'il va de soi que les classes ne sont pas apparues du jour au lendemain par génération spontanée et par don divin. Donc comment penser la transition ? Là en général on dit naturellement ça ne s'est pas fait en un jour, donc ça s'est né puis s'est développé, etc. Mais enfin en général, dans pas mal d'ouvrages de tradition d'artiste, ça reste une espèce de grand flou artistique où on se doute bien qu'il y a eu quelque chose entre les deux, mais alors c'était plus du communisme primitif, c'était pas encore des classes. On ne sait pas très bien ce que c'est, et on jette un voile pudique, etc. Or, il se trouve que 98, je n'ai pas fait les statistiques, mais ça n'aurait pas de sens, enfin, la grande majorité des sociétés, par exemple, étudiées par l'ECNO, elles tombent dans cette catégorie-là. Hein, et donc, il y a quand même une nécessité d'avoir une classification. Alors, moi, je n'ai pas inventé grand-chose, mais vraiment encore moins que ça, mais par contre il y a donc un chercheur qui est décédé récemment puis qui devait venir, mais voilà, qui s'appelle Alain Testard et qui lui a formalisé un certain nombre de choses et qui a proposé une classification générale des sociétés, alors qui à mon avis pose tout un tas de problèmes. Plus on rentre dans les détails, ce qui est bien logique d'ailleurs, mais qui pour ces grandes catégories m'a semblé tout à fait pertinente et acceptable et une base solide sur laquelle on peut bosser. Donc je m'en tiens à la plus grande structure, enfin au plus gros découpage, hein, un peu comme si je vous disais il y a les champignons, les végétaux et les animaux, vous voyez, après on rentre pas dans les détails, mais enfin déjà quand on a ça, on commence à s'y repérer un tout petit peu dans ce qui vit. Et bien là c'est pareil, et donc c'est une périodisation, c'est une classification qui est une classification qui recouvre une évolution temporelle, hein, mais c'est une classification sociale en trois groupes. Alors je vais vous expliquer ma diapo un peu mystérieuse. En gros, il dit on peut discriminer les sociétés d'après deux critères, l'existence de la richesse et l'existence des classes sociales. Et donc il y a des sociétés, les premières, qui n'ont ni richesse ni classe, et celles-là, je les appelle le monde 1. Alain Testard les appelle le monde 1. Et puis il y a les sociétés qui ont de la richesse, mais pas encore de classe, c'est le monde 2. Et il y a des sociétés qui ont des classes et fatalement aussi de la richesse, c'est le monde 3. Alors, les classes, vite fait, on va y revenir, mais enfin, comment est-ce qu'on peut traduire ça? Ça, c'est le phénomène qu'on connaît le plus. Ben, c'est des sociétés dans lesquelles une minorité détient, d'une manière ou d'une autre, juridiquement, les moyens de production. Et donc la majorité de la société est obligée de travailler gratuitement pour le compte de cette minorité. Et puis Marx dit, bah, selon la forme que ça prend, bah, vous avez différents types de sociétés de classe, je ne rentre pas dans ce détail. Donc avant ça, ça veut dire qu'on est dans des sociétés où il n'y a pas ce monopole des moyens de production, il y a libre accès des producteurs aux moyens de production. Et en gros, comment ça se traduit? Ben, n'importe qui peut aller chasser ou planter, j'allais dire ses choux, enfin c'est pas forcément des choux, mais enfin planter des choses sur le territoire tribal. Vous êtes membre de la tribu, de droit, vous avez de quoi vivre par votre travail, personne ne peut vous interdire l'accès à des ressources qui vont vous permettre de vivre. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce bidule, cette richesse qui apparaît donc avant les classes et chronologiquement bien avant, bien souvent des milliers d'années avant? Eh bien, Testard dit, c'est le fait que les biens matériels vont servir pour payer certaines obligations sociales. C'est-à-dire que dans les sociétés, désolé, je ne rentre pas dans les détails parce que sinon ça nous emmène, enfin on peut y revenir dans la discussion, mais il y a un moment donné dans l'histoire de l'humanité où on va se mettre à employer les biens pour solder un certain nombre d'obligations sociales. Et typiquement, pour se marier ou pour réparer un tort. Quand vous êtes dans des sociétés comme ça, si vous voulez vous marier ou si vous voulez réparer un tort, la société va vous obliger à faire tout un tas de choses, parce que c'est pas forcément facile de se marier ou de réparer un tort, mais des choses qui vont vous demander votre implication, ou votre sang, ou votre tout ce que vous voulez, mais en tant qu'individu. Ça ne passera pas par fournir des biens. À partir de là, eh ben on va pouvoir dire, pour se marier, il faut donner 3 haches, 2 colliers, 4 coquillages, 5 cochons, ou si tu as blessé machin, eh ben tu vas réparer en donnant à sa famille tant de cochons, tant de colliers, etc., etc. Et donc là, ce qu'on invente, c'est le paiement, la monnaie, les inégalités, tout ça en même temps, en réalité. Alors, tout ça, donc, ça détermine encore une fois le monde 1, qui est, disons, le monde du communisme primitif proprement dit des marxistes, hein, ce monde sans inégalité matérielle. Le monde 2, qui est un monde mal connu, mais qui est en fait le monde le plus étudié par l'ethno, de ces sociétés où il y a déjà des riches et des pauvres, des inégalités, des rapports de domination avérés, etc. On verra qu'il y en a aussi dans le monde, en fait. Mais voilà, en tous les cas, ceux-là, ils sont visibles, ils sautent aux yeux, etc. Mais il n'y a pas de classe sociale au sens, j'allais dire moderne, enfin depuis 5000 ans, au sens moderne du terme. Et puis le monde 3, qui est le monde, j'allais dire, qu'on connaît bien, puisqu'on vit dedans, hélas. Par exemple, le passage aux classes n'est donc pas corrélé à une invention particulière. Vous ne pouvez pas dire, quand on passe au bronze, bam, les classes sociales arrivent. C'est pas vrai, on a vu la constitution de classe dans des contextes techniques assez différents et il n'y a pas de loi générale. En revanche, là, il y a un événement technique qui marche très bien à cet endroit-là, c'est que l'apparition de la richesse est liée à celle du stockage. On pensait avant que c'était avec l'agriculture, la révolution néolithique de Gordon Child qui disait c'est quand on invente l'agriculture qu'on se met à inventer l'inégalité, etc. La Testard a montré que Child avait en partie tort. Il y a des formes d'agriculture qui ont effectivement généré des inégalités, c'est les agriculteurs qui stockent, par exemple les céréaliers, mais là où il y a des agriculteurs qui stockent pas, qui récoltent toute l'année, il y a des sociétés qui restent égalitaires sur le plan matériel. Inversement, vous avez des chasseurs-cueilleurs qui stockent. On en verra tout à l'heure, j'allais dire en photo, c'est pas tout à fait une photo, mais enfin, on en verra, et bien ces chasseurs-cueilleurs sédentaires qui stockent, ils sont inégalitaires. Et par contre, les chasseurs-cueilleurs qui stockent pas, les nomades, eux, ils sont égalités. Donc là, le stockage, ça marche très bien comme événement technique, mais encore une fois, là, il n'y a pas d'événement technique particulier qui permet de situer le passage aux classes. Ça pour dire que les choses ne sont pas toujours aussi simples que ce qu'on voudrait, mais c'est la vie. Donc voilà, à partir de là, je me permettrai de parler du monde 1, du monde 2 ou du monde 3, où des fois je ferai la périphrase, les sociétés, je les appelle des fois, pour aller vite, je les appelle celles-là les égalitaires, celles-là je les appelle les inégalitaires. Alors c'est pas très joli parce que celles-là aussi elles sont inégalitaires, mais je n'ai pas trouvé de mots. Si quelqu'un m'en donne une bonne idée, je la prends. Voilà, et société de classe pour celle-là. De toute façon, si quelqu'un a un doute sur ce que je suis en train de raconter, on se comprend, enfin, il suffit de me poser la question. Même si je suis très bavard, je m'interromps. Alors, ben, maintenant que j'ai un peu cadré tout ça, on peut en venir à cette histoire d'exploitation. Autrement dit, définissons-la bêtement, j'allais dire, comme un artiste, c'est-à-dire le fait de faire travailler autrui gratuitement pour soi, et évidemment de manière... comment dire, un peu systématique, un peu contrainte, un peu... voilà, c'est pas simplement je te rends service, voilà, c'est quelque chose... Enfin, là aussi, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de se perdre dans les définitions. Alors, l'exploitation dans le monde 3, bah, je vais aller très vite, elle est évidente, banale, institutionnelle et tout, et c'est même plus que ça, quand on est marxiste, on pense que c'est même la colonne vertébrale de ces sociétés-là. C'est-à-dire, si vous voulez expliquer la structure sociale d'une société de classe, le truc par lequel il faut commencer, c'est quelle est la manière dont la minorité exploite la majorité. Et selon la manière dont vous répondez à cette question, bah vous dites j'ai le type fondamental de société, c'est une société mode de production antique, féodale, capitaliste, rayée les mentions inutiles, ce qui n'empêche pas ensuite de discuter des nuances, mais enfin voilà, c'est le cadrage général. Donc l'existence de l'exploitation du travail de l'homme par l'homme dans les sociétés de classe ne pose, je crois, aucune espèce de difficulté et n'en a jamais posé aucune. En revanche, c'est beaucoup moins vrai, évidemment, de ce qui se passe dans le monde 2. Est-ce que l'exploitation existe et si oui, sous quelle forme? Eh bien, je suis désolé, je vais ne pouvoir vous faire qu'une réponse de Normand, c'est-à-dire oui et non. Elle existe, mais ce n'est pas encore le centre de gravitation de la société. Et c'est ça toute l'idée de la transition entre des sociétés égalitaires et des sociétés de classe. C'est que dans ces sociétés, il commence à y avoir des phénomènes d'exploitation qui se mettent en place, et je dirais même plus, comme les Dupont, c'est-à-dire plus on se rapproche d'une société de classe, plus ces phénomènes d'exploitation commencent à prendre de l'importance, voilà. Et plus, inversement, plus on est dans des sociétés proches du monde 1 qui les ont vues naître, moins l'exploitation est importante, c'est-à-dire qu'évidemment il y a un côté évolution dans tout ça. Alors l'exploitation, c'est comment dire, c'est une exploitation qui existe, mais qui est limitée du fait que les producteurs ont un accès libre aux terres. Donc il y a toujours cette espèce de jeu bizarre où tout un chacun peut, par son travail, se nourrir, etc. Et où donc les gens ne sont pas obligés de se faire exploiter pour leurs besoins quotidiens. Mais en revanche, ils ont besoin de richesses, par exemple, pour se marier. Et à ces occasions-là, ils vont se retrouver dans des situations, par exemple, de dette. On va s'endetter pour se marier. Donc il n'y a pas le crédit à la consommation moderne pour payer son loyer ou manger sa nourriture. Mais le jour où vous devez vous marier, il faut sortir deux buffles et les quatre haches. Vous ne les avez pas. Vous allez trouver un riche qui vous dit vite j'ai besoin. Il vous dit bah d'accord, mais à ce moment-là, tu vas bosser pour moi. Je vais te donner des porcs à élever. Et puis quand ils seront gras, tu me les donneras. Enfin, ouais. Et se mettre en place un certain nombre de mécanismes comme ça d'exploitation du travail. Et évidemment, bah, dans chaque société, il va se passer des choses un peu différentes. Enfin, après, il faut rentrer dans les détails, ça peut être extrêmement compliqué. Et je dois dire, ça n'a pas été beaucoup étudié, parce qu'en général, les anthropologues s'en foutent un peu de ça. En fait, ça, c'est pas ça qui les passionne. Déjà, l'anthropologie économique, c'est un peu le parent pauvre de la discipline. On fait des tas de trucs sur la parenté, sur la religion, alors ça, il y a moins des bibliothèques entières. Et sur l'économie, il n'y a pas grand-chose. Alors, sur l'économie, d'un point de vue qui s'intéresse à ces choses-là, ça réduit encore le champ de... Voilà. Alors, qui se fait exploiter? Bah, des tas de gens. Déjà, les esclaves. C'est bête à dire, mais l'esclavage, c'est quand même la forme la plus... classique, traditionnel, vieille, etc. On pense des fois que l'esclavage, c'est un truc récent qui est apparu avec les classes. Bah, pas du tout. Dès les débuts du monde 2, on se met à avoir des esclaves. Et il faut s'enlever de la tête qu'on les traitait gentiment. Hein. Enfin, je veux dire, il y a une vieille idée. Il y a l'esclavage patriarcal. Bon, quelque part, on était même une grande famille, etc. Vous avez des actes de cruauté envers les esclaves dans des sociétés comme ça, qui valent largement. Simplement, on ne fait pas les choses en grand, enfin on ne fait pas les choses avec autant de... Il n'y a pas le caractère systématique qu'il y a dans les sociétés de classement. Enfin, cela dit, dans certaines sociétés, j'en reparlerai, mais on a calculé des taux d'esclavage qui avoisinaient ceux, par exemple, du sud des États-Unis au moment des plantations cotonnières. Enfin, il y a des fois où c'est vraiment des phénomènes importants. Alors, ça peut être aussi les femmes, pas partout, et là aussi, il y a des situations extrêmement variées, j'en reparlerai. Vous avez des sociétés dans ce monde-là où les femmes... sont pas, on ne peut pas du tout dire qu'elles sont exploitées. C'est vraiment, elles ont y compris un rôle social tout à fait d'équilibre, enfin en tous les cas comparable à celui des hôpitaux. Et par contre, dans d'autres sociétés du même monde, alors là, vous voyez, c'est... et donc il va y avoir un aspect exploitation du travail, enfin, typiquement les riches de Nouvelle-Guinée. Vous payez pour vous marier, et une fois que vous vous mariez, ce que fabrique votre femme, ce que fait pousser votre femme, ou les cochons qu'elle nourrit, c'est à vous. C'est vous qui en disposez, enfin je dis vous, les hommes, hein, évidemment. Donc, voyez tout de suite l'engrenage. Les riches, ils ont de quoi se payer plein de femmes, qui ensuite les enrichissent, parce qu'elles produisent plein de choses, et qui du coup leur permettent de faire banquier vis-à-vis des pauvres célibataires qui, eux, ont besoin d'argent pour avoir des femmes, mais qui n'en ont pas, et à qui les riches vont dire, eh ben, je te confie des porcs, etc., tu viens bosser pour moi, accessoirement tu fais le coup de poing contre les autres, et tu vas voter pour moi au conseil du village quand il y en a un, etc., etc. Donc il y a des phénomènes comme ça. Et donc se mettent en place à cette époque-là des phénomènes de dépendance diverses et variées. Parce que si vous avez des riches qui montent au-dessus de la société, c'est aussi que vous avez des pauvres qui tombent en dessous. Et typiquement, ces sociétés, elles se fracturent par les deux bouts, c'est-à-dire on part d'une société où les gens sont sur un pied d'égalité, ils ont tous accès à la terre, etc. Et puis il y en a qui deviennent, donc, selon la formule consacrée, plus égaux que les autres, parce que bah, ils ont plus de femmes, des esclaves, etc., etc. Et il y en a en dessous qui tombent en... Ils ont un joli mot, les ethnologues, pour ça, enfin, qui est un mot de la société, ils appellent ça les rubbishmen, les hommes de rebut, enfin, les hommes ordures, enfin, vous voyez, voilà. C'est ceux, par exemple, qui n'ont pas eu assez pour se marier, et qui restent célibataires toute leur vie. Alors ceux-là, c'est un peu les parias, c'est un peu, voilà, enfin, les parias. Du coup, on les fait bosser, on leur dit, bah, je te protège, je veux bien t'héberger, voilà, et personne ne te cassera la figure parce qu'il aura affaire à moi, mais évidemment, tu grappes dans les champs, et tout ce que tu fais pousser, tu me le donnes, enfin, une partie de ce que tu fais pousser, tu me le donnes. Donc voilà, dans ce monde-là, se mettent en place un certain nombre, enfin, l'exploitation naît clairement à cette époque, enfin, quand je dis ça, avec une petite nuance. Alors, je finis, je vous montre juste, je signale quelques exemples. Donc, la côte nord-ouest, c'est le coin qui commence avec le nord de la Californie, qui finit au sud de l'Alaska, côté Pacifique entre la montagne et l'océan, et où il y avait les saumons qui passaient. Et donc ça, c'est des chasseurs-cueilleurs sédentaires. Je signale qu'en ce moment, il y a un film qui passe, qui s'appelle « In the Land of the Headhunters », au pays des chasseurs de tête, qui a été tourné en 1914, et qui est au cinéma en ce moment, aussi récupéré sur Internet sans payer, et qui où on les voit filmés, donc il y a pile un siècle, c'est assez impressionnant. Ils avaient des... voilà, c'est des gens qui faisaient des matotèmes comme ça. Je crois bien que quand vous rentrez au musée du Quai Branly, c'est le premier truc qu'on voit, un truc de 12 mètres de haut, comme ça, sculpté. Et là, vous voyez, c'est vraiment le côté, pardonnez-moi, mais qui c'est qui a la plus grosse, quoi, hein. Et c'est chaque maison correspond à un lignage qui va se faire fort d'avoir le plus grand matotème pour montrer à quel point il est riche, il est balèze, etc. C'est dans ces sociétés-là qu'on faisait le potlatch, un peu largement connu, même si on ne sait pas toujours très bien ce que c'est. Enfin, le côté compète de dons, quoi. C'est moi le meilleur, je t'écrase sous mes cadeaux et je te montre que nous, chez nous, on sait bosser et on sait faire des jolies couvertures et espèce de pilleux, essaye donc de me rendre l'appareil dans un an, on va voir si tu y arrives, etc. Et dans ces points-là, ils étaient esclavagistes, mais à un degré absolument pas possible et avec des cruautés, enfin je vous passe les détails, voilà. Donc voilà un exemple typique de société du monde 2, de ces sociétés sans classe, mais quand même avec des inégalités très marquées. Voilà une autre société du monde 2, ça se passe dans l'île de Nias, c'est en Asie, pas loin de Sumatra, là-bas, vous voyez, à la pointe de Sumatra, enfin je ne sais pas si vous voulez, enfin voilà, à la pointe nord-ouest de Sumatra, et c'est des sociétés c'était une société où on édifiait des mégalithes, vous voyez, un peu façon Karnak, etc. Et ça marche comment? Eh bien, les riches, il y a un système de grades. Donc, quand vous êtes riche, vous validez votre richesse par un truc codifié, vous faites une fête. Et alors donc, on est dit que pour le premier grade de la richesse, ben, on fait une fête où on tue tant de cochons, on nourrit tant de personnes, etc. Pour le deuxième grade de la richesse, ben, c'est trois fois plus de cochons, plus, deux fois plus de personnes, etc. Puis il y a je ne sais pas combien de grades de la richesse. Et alors vous voyez, ça c'est le mec qui est en train de passer la nuit, là, c'est lui le riche. Il est en train de passer un des grades ultimes de la richesse. Autour, il y a 500 personnes qui trimballent le mégalithe comme ça pour l'année, pour commémorer le truc. On va édifier le mégalithe devant la maison de ce gars. Et c'est lui qui régale les 500 personnes qui trimballent le mégalithe pendant 3 jours. Donc lui, il dépense de quoi nourrir 500 personnes pendant 3 jours. Vous voyez que ce n'est pas des petites inégalités quand même, hein. C'est déjà quelque chose d'assez cossu. Et les autres, bah, trimballent donc le mégalithe qu'on va édifier devant la porte du riche pour montrer que bah, lui, il a passé le grade ultime, etc. Mais ce n'est pas des sociétés de classe. Tous ces gens-là, ils peuvent aller bosser dans leur champ sans rien demander à personne. Du simple fait qu'ils sont membres de la tribu, ils ont droit à une parcelle de terre, il n'y a pas de rente foncière, il n'y a pas de choses comme ça. Et puis un dernier exemple, c'est les Iroquois, donc une illustration, alors vous voyez, ils avaient déjà les raquettes, hein, une illustration du XVIIIe siècle. Et les Iroquois, j'en parle parce que c'est le peuple sur lequel certain Lewis Morgan avait fait ses études, qui est l'ouvrage sur lequel se base Engels dans son origine de la famille, etc., et qui pensait à l'époque que les Iroquois étaient l'exemple type du communisme primitif, d'une société sans inégalité. Eh bien, c'est pas vrai. Les Iroquois étaient une société du monde 2, une société inégalitaire, faiblement inégalitaire, beaucoup moins inégalitaire que les deux que j'ai montrés juste avant, mais c'était quand même une société avec des systèmes de paiement, avec des riches, des pauvres et des esclaves. Même si, moins fortement, encore une fois, quand on dit le monde 2, c'est comme quand on dit les végétaux. Après, entre un baobab et une jonquille, personne n'a dit que c'était pareil. Mais il y a un certain nombre de points communs qui permettent de les mettre dans un grand sac. Alors je vais finir par 2 questions ouvertes sur cette question de l'exploitation. Si elles sont ouvertes, c'est qu'évidemment, je n'ai pas la réponse, ou en tous les cas, pas de réponse satisfaisante. Mais je signale quand même que la question existe. Première question, c'est, il y a des sociétés qu'on est très très très embêtés, enfin moi en tous les cas, je suis très très très embêté pour savoir dans quoi il faut les ranger. Faut-il les mettre dans le monde 2, c'est-à-dire les sociétés inégalitaires mais sans classe, ou faut-il les mettre dans le monde 3, c'est-à-dire les sociétés de classe? Et voilà typiquement un certain nombre de royaumes africains, les Ashanti qui étaient quelque part dans le Ghana actuel. Donc ça c'est une photo de fin 19e je pense. Voilà. Alors dans ces royaumes africains, on a un truc bizarre, enfin bizarre, de toute façon il y a que des trucs bizarres quand on regarde les sociétés, mais enfin, on a une situation à laquelle on ne s'attend pas forcément quand on est marxiste, c'est que c'est des sociétés où il n'y a pas de propriété privée de la terre, et donc il y a ce système de libre accès aux terres de n'importe quel membre de la tribu, etc. Donc de ce point de vue-là, on est tenté de dire, c'est donc une société du monde 2, il n'y a pas encore de classe sociale, oui, mais il y a un État. Et il y a un État avec donc des gens qui ne sont plus du tout des paysans et ne font plus rien d'autre que de vivre des biens matériels que ceux qui grattent la terre produisent. Alors vous voyez que c'est un truc un peu embêtant, hein, ça nous évoque dans un autre contexte des discussions sur l'URSS, dans quoi je range ça, voilà, toutes ces espèces d'hybrides sociaux dont on ne sait jamais où les mettre. Et ces machins-là, est-ce qu'il faut considérer que c'est des sociétés de classe bizarres? Ou est-ce qu'il faut considérer que c'est des sociétés qui n'ont pas de classe, mais qui ont déjà un État? Enfin, vous voyez, Testard les mettait dans le monde 2. Personnellement, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt du monde 3. Mais en tous les cas, c'est embêtant. Et puis alors, la deuxième question, je l'ai suggéré tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas du tout d'exploitation du travail dans le monde 1, c'est-à-dire dans des sociétés sans richesse? Est-ce que les phénomènes d'exploitation sont inconnus? Alors ça, grande question. Ils sont, c'est sûr, limités. C'est-à-dire que dans les sociétés du monde 1, en gros, on s'en fout des biens matériels. Ça ne sert pas à payer. Et en plus, on est nomade, donc il faut se les trimballer. Ce n'est pas des sociétés qui sont intéressées par accumuler des biens parce que ça fait mal au dos. Hein, c'est, voilà. En revanche, est-ce qu'on peut dire en tout lieu, tout le temps, etc., qu'il n'y a aucun phénomène où certains profitent du travail des autres? Ah, c'est plus compliqué. Là, je vous ai mis une photo d'une tribu australienne. C'est extrait d'un film qui est très bien, d'ailleurs, qui est sorti il y a 3-4 ans, ce truc-là. Il s'appelait 150 lances, 10 canoës et 3 épouses. Je confonds toujours le nombre de lances, de canoës et d'épouses, mais enfin, ça doit être ça. Alors, c'est pas tellement dans le film qu'on le voit, mais enfin, il y a certains témoignages qui disent, en gros, le vieux Australien qui a réussi sa carrière, religieuse et matrimoniale, en gros, il est à la tête d'un harem. Alors, c'est pas un harem au sens les sultans, etc. Mais enfin, il a couramment, dans un certain nombre de peuples, 7, 8, 10, voire 15, voire 20 femmes. Et autant de fils, de filles, de beaux-fils, etc. Et en gros, il n'en fout plus une. Tous ces braves gens chassent, cueillent, etc. et ramènent de quoi bouffer. Et lui, il fait quoi? Il fait la religion et les intrigues politiques matrimoniales, qui fera quoi et de qui sera initié quand et de qui on va marier avec qui. Et voilà. Et il y a donc un certain nombre de gens qui disent bah, ces gens-là, ils sont quand même de fait des exploiteurs. Alors des exploiteurs au tout petit pied à côté de ce que c'est les exploiteurs dans les sociétés ensuite, parce qu'encore une fois, ils exploitent dans la mesure où ils se font nourrir, mais c'est tout. Il n'y a pas de production bien matérielle pour aller, je sais pas, pour aller faire potlatch, pour montrer qu'on a produit 10 000 couvertures, etc., et qu'on est capable d'écraser l'autre sous la richesse, pas du tout. Mais de là à dire que l'exploitation n'existe pas du tout, ben vous voyez, c'est une situation embêtante. On trouve la même chose en Amazonie, par exemple, avec quand vous voulez vous marier, vous vous mettez au service de votre beau-père pendant un certain nombre d'années. Les anthropologues appellent ça le service pour la fiancée. Et ben pendant cette période-là, apparemment, le beau-père, il en profite pas mal quand même. Et donc, tu veux ma fille, et ben tu vas chasser, et t'as rien attrapé, ben t'y retournes, et voilà. Et il y en a quand même un certain nombre qui ont plusieurs filles, et qui en profitent pour pas faire grand-chose pendant un certain temps. Voilà. Donc, Écoutez, je m'arrête là sur la partie 2, et puis je vais regarder à peu près combien il reste. Ça va pour l'instant, ça va? Ça va, je suis à peu près dans mes plans. Et puis donc je vais aborder la question des dominations, de l'oppression, alors appelons ça l'oppression des femmes ou la domination masculine. Alors je suis désolé, une diapo encore bien chargée de texte, mais enfin là aussi je vais faire, je vais mettre les panneaux de signalisation pour qu'on s'y refaire. Voilà, en gros, je ne sais pas si vous en êtes familier ou pas, mais enfin la vision marxiste traditionnelle, héritée donc du livre d'Engels dont je parlais tout à l'heure, qui est un bouquin qui a donc été écrit en 1884, et qui donc se basait sur les connaissances ethnologiques de son temps. Enfin, le problème n'est pas de savoir si Engels aurait pu écrire autre chose à son époque, il l'a fait avec les informations qu'il avait. La question est de savoir si ce qu'on a récolté depuis permet de, comment dire, à confirmer ses hypothèses et son schéma, ou oblige à une révision. Alors, en gros, hein, pour vous situer à l'époque, Morgan, sur lequel s'appuie Engels, utilise une périodisation qui était utilisée à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il découpe les sociétés en sauvagerie, barbarie et civilisation. C'est pas péjoratif, comme on le fait croire parfois. Sauvagerie, je rappelle que étymologiquement, ça a la même racine que sylviculture ou sylvestre, etc. C'est les gens qui vivent dans les forêts. Et pourquoi ils vivent dans les forêts? Parce que c'est des chasseurs-cueilleurs. Et la barbarie, alors ça, bah, c'est le mot repris des Grecs, mais en gros, c'est les peuples agriculteurs et métallurgistes, mais sans classe, sans l'État, la cité, tout ce qui va avec. Et puis évidemment, la civilisation, c'est les sociétés de classe. Donc en gros, ça recouvre ce qu'en termes modernes, on appellerait le paléolithique, le néolithique et l'âge des métaux, et puis les sociétés étatiques, de classe, etc. Alors, en gros, le raisonnement de Morgan et d'Engels, et d'un certain nombre d'autres à l'époque, c'est que les femmes, au départ, avaient une situation élevée. Alors, je dis élevée parce que il y a une gamme d'interprétations. Il y a un auteur qui parlait carrément de matriarcat. Alors, matriarcat, si on prend le mot au sens propre, ça veut quand même dire « pouvoir des femmes ». Alors, bien souvent, ce n'est pas un vrai matriarcat qu'on entend par là, mais enfin, il y a l'idée que les femmes avaient une situation, en tous les cas, n'étaient pas dominées par les hommes, étaient beaucoup plus libres que dans la société actuelle, etc., etc. Et donc, ça, c'était la situation primitive. Et d'ailleurs, on parle du matriarcat, mal nommé à mon avis, mais enfin, du matriarcat primitif pour décrire ça. Et donc, il y a l'idée que chez les peuples chasseurs-cueilleurs, et chez les premiers agriculteurs, etc., les femmes avaient cette position prééminente. Pourquoi elles avaient une position prééminente? Ben d'après Engels, parce qu'elles faisaient les enfants, et qu'à cette époque-là, le fait de faire et d'élever les enfants était ce qu'il appelle une industrie publique, c'est-à-dire quelque chose qui intéressait la collectivité, et donc, en tant que mère, elles étaient honorées, estimées, etc., etc. Et puis, bah, tout ça a changé très tard. Il y a eu un basculement qui se fait peu de temps avant, alors sans citer précisément, et puis je ne dis pas que ça s'est passé exactement au même moment partout, mais enfin, il y a eu un basculement, la défaite historique du sexe féminin, c'est une citation, qui se fait donc peu de temps avant la civilisation, et qui là voit le pouvoir de la société arriver dans les mains des hommes, et les hommes, comment dire, établir une domination brutale sur les femmes. Qu'est-ce qui explique ça? Eh bien, c'est, d'après Engels, l'importance prise par la richesse à ce moment-là. C'est-à-dire que la richesse, c'est quoi? C'est les esclaves et les troupeaux. On sait à l'époque que l'élevage s'était développé même avant l'agriculture. Et donc, comme c'est les hommes qui étaient qui détenaient les esclaves, les troupeaux, etc., les femmes ont continué à s'occuper des enfants comme avant. Mais évidemment, dans ces sociétés-là, la richesse s'est mise à avoir beaucoup plus d'importance que le fait d'élever les enfants. Et donc, les hommes se sont retrouvés maîtres de la situation. Et voilà, et il y a eu un certain nombre de basculements. Donc, à cette époque-là, non seulement il y avait la place prééminente des femmes, mais il y a ce qu'on appelle en jargon anthropologique la matrilinéarité, c'est-à-dire le fait que l'appartenance au groupe de parenté se faisait par la mère. Hein, vous aviez votre mère qui était d'un groupe, votre père d'un autre, bah, vous étiez rattaché au clan de votre mère. Et puis donc là, il y a ce basculement qui fait passer à la patrilinéarité, au fait qu'on a des clans paternels, comme chez les Grecs anciens, comme chez les Romains, etc. Et puis qui fait donc naître la domination masculine. Cette idée de la prééminence des femmes se voyait renforcée, alors pas tellement chez Engels, mais enfin chez un certain nombre d'autres, et puis dans les décennies qui ont suivi, par l'argument archéologique disant « Regardez, on retrouve plein de statuettes féminines dans toutes ces sociétés paléo, néo, etc. » Donc je vous en ai mis deux qui sont un peu connues, là, ça c'est Brassenti et puis c'est l'œuvre de Willendorf, enfin bon bref, on les appelle les Vénus ou des déesses mères, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est, enfin voilà. Donc en tous les cas, des petites statuettes féminines comme ça, vous voyez bien que c'était des sociétés qui tenaient les femmes en haute estime, puisque on faisait des statuettes de femmes. Ce à quoi Testard répondait, vous parlez d'un argument, imaginez un extraterrestre qui déboule sur la planète Terre sans parler la langue aujourd'hui, il voit plein de filles à moitié nues sur les panneaux de pub, etc., et il repart en disant, ils ont un matriarcat, c'est les femmes, ils honorent une espèce de déesse féminine, puisqu'ils en mettent partout. Et lui, il renversait même l'argument en disant, je croirai au matriarcat le jour où on retrouvera une société qui laissait des petites statuettes de bonshommes, parce que là, c'était les femmes qui s'amusaient à représenter les mecs. Là, j'y crois. Enfin, donc, alors, en tous les cas, donc, cet argument archéologique, en réalité, est assez faible. Et surtout, en réalité, le raisonnement d'Engels et de Morgan était basé sur l'exemple iroquois. Et l'exemple iroquois est un exemple de société où, effectivement, il n'y a pas de domination masculine. En tous les cas, il n'y a pas de domination masculine avérée. On peut chipoter sur les détails, mais enfin, franchement, oui, les femmes dans la société iroquoise ont tout un tas de pouvoirs, certains pouvoirs politiques, le pouvoir économique, c'est elle qui possède les maisons, c'est elle qui possède les champs, c'est elle qui gère les récoltes. Les mecs peuvent voter la guerre, les femmes décident de ne pas leur filer de grains, et donc les gars, ils ont voté la guerre, mais ils ne peuvent pas partir en campagne, parce que si les femmes ne sont pas d'accord, il y a une vraie division des pouvoirs, et voilà, et y compris chez les Iroquois, quand on tue une femme, l'amende à payer, le dédommagement à payer à la famille est plus élevé que quand on tue un homme, ce qui est un truc en réalité exceptionnel en ethno. Mais à l'époque, c'est quasiment la première ethnographie professionnelle, celle des Iroquois faite par Morgan, et donc en réalité, Engels généralisait cet exemple-là sans savoir que c'était plus un exemple minoritaire. En tous les cas, donc, je vous donne quelques éléments rassemblés par l'ethnographie entre des milliers, hein, mais enfin depuis. Donc l'exemple iroquois, où là on voit justement que c'était les femmes qui faisaient tout un tas de tâches économiques, et non seulement qui faisaient tout un tas de travaux, mais enfin qui avaient la mainmise sur leur production, ce qui est évidemment le truc important, parce que les femmes qui bossent, ça c'est partout, mais le problème c'est ensuite de savoir qui est le propriétaire de... Voilà. Donc là, chez les Iroquois, c'était tout à fait vrai. Un autre exemple qui est un peu connu, parce qu'il fait les gorges chaudes des reportages journalistiques, voilà, c'est un peuple qui s'appelle les Na, qu'on appelle aussi les Mozo, ou les Mozo, qui vit en Himalaya, mais qui c'est dans la partie chinoise de l'Himalaya. Alors ceux-là, ils sont extraordinaires, c'est la seule société au monde où il n'y a pas de mariage. Et donc le lien de mari et femme et le lien du coup de paternité n'existe pas de manière officielle. Et vous avez les maris, ce qu'on appelle les maris, les amants visiteurs, c'est même pas des maris, des amants visiteurs. C'est-à-dire que si vous voulez entretenir une relation avec une dame, ben vous allez nuitamment chez elle et vous repartez au petit matin, mais la journée, la dame vit avec ses frères. Et les frères, la nuit, eux, vont voir leurs amantes, etc. Et évidemment, il y a donc des lignages féminins qui contrôlent un certain nombre de choses. Et dans une société comme ça, la domination masculine n'est pas évidente. Cela dit, de là à en déduire que c'est les femmes qui dirigent, c'est un terrain glissant, parce que même là, par exemple, les lignages féminins dirigent les niveaux locaux. Dès que vous passez au niveau régionaux, etc., c'est les hommes qui commandent. Je parierais pas sur, enfin en tous les cas, le matriarcat. Et puis un autre exemple qui est un peu connu, c'est les bushman. Alors là, on passe carrément chez des chasseurs-cueilleurs nomades, hein, donc égalitaires, monde 1. Hein, les bushman qui sont connus pour avoir joué, entre guillemets, enfin, pas tous, mais dans un film qui s'appelle Les dieux sont tombés sur la tête, qui est un film qui a une trentaine d'années maintenant, bon, ça ne dit rien, vous ne connaissez pas ce truc-là. Enfin, c'est un truc assez marrant et plutôt pas mal, avec quelques scènes assez instructif sur la différence entre ces sociétés-là et les nôtres. Et typiquement, chez les Bushmen, enfin, il y a un article d'Ethno qui dit « c'est la société la moins sexiste du monde ». Je ne sais pas si c'est la moins sexiste du monde, mais enfin, typiquement, c'est une société où là aussi, il est très difficile de trouver, d'identifier une domination masculine. Les femmes sont libres de divorcer, sont... Enfin, voilà, il y a... En tous les cas, s'il y a une domination masculine, elle n'est vraiment pas épaisse. Un dernier exemple comme ça, c'est des gens qui vivent dans les îles Andaman. Alors on les appelle les négritos, c'est pas une qualification très flatteuse, mais enfin voilà, c'est des pygmées. Hein, les îles Andaman, pour vous situer, c'est dans le golfe du Bengale, de Birmanie, voilà. Enfin, c'est en dessous de la Birmanie, c'est le long de la Thaïlande, là. Enfin, ça appartient à l'Inde, mais en fait c'est beaucoup plus près de la Thaïlande. D'ailleurs, soit dit en passant, sur Internet, YouTube, etc., c'est un des endroits où il reste une île ou deux, où il y a encore des chasseurs-cueilleurs non contactés. C'est-à-dire que quand les bateaux de pêcheurs indiens s'approchent, les mecs ils sortent et ils tirent aux flèches, et voilà. Ils doivent être une cinquantaine hein, sur l'île, enfin c'est vraiment minuscule, mais enfin, voilà, ça fait un peu zoo vivant. Mais en tous les cas, donc ces gens-là qui ont été colonisés par les Anglais fin 19e, pareil, on a tout un tas de témoignages sur l'absence de domination masculine chez ces chasseurs-cueilleurs, décidément c'est pas facile à dire, qui donc semblent confirmer le scénario élaboré par Engels. En tous les cas, malheureusement pour ce scénario, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres éléments qui le contredisent, et on a pu identifier une domination masculine parfois légère, parfois beaucoup moins légère, et parfois inimaginable, enfin à des degrés qui défient l'imagination, y compris dans des sociétés, même du monde 1, je ne parle même pas du monde 2, mais même du monde 1, c'est-à-dire des sociétés par ailleurs économiquement égalitaires. Alors ça c'est un truc bizarre et qui aurait sans doute intrigué Engels à son époque. On a tendance à se dire, ben là où il n'y a pas d'exploitation économique, il n'y a pas d'autres formes de domination, et ben si, on peut très bien avoir une situation d'oppression des femmes. Alors on ne les opprime pas en les faisant bosser pour des prunes, mais on les opprime, ne serait-ce qu'en disposant de leur sexualité d'une manière unilatérale, sans parler de tout un... Alors l'exemple classique et canonique, j'allais dire, c'est les Barouillas, qui sont un peuple de Nouvelle-Guinée, donc c'est un ethnologue français qui les a étudiés, il s'appelle Baudelier. Il y a un bouquin qui est d'ailleurs assez visible, enfin qui n'est pas un bouquin, qui s'appelle « La production des grands hommes ». Et c'est sidérant. Enfin, voilà, les Barouillas, alors eux par contre, ils ont eu le prix, entre guillemets, de la société la plus sexiste du monde, mais vous avez l'impression de voir l'Arabie Saoudite dans une société égalitaire. C'est un truc, ils ont dédoublé, par exemple, ils dédoublent tous les chemins. C'est-à-dire que quelques chemins qu'il y a, il y a le chemin du haut et le chemin du bas. Et le chemin du haut, c'est pour les hommes, le chemin du bas, c'est pour les femmes. Une femme croise un homme, etc., elle est obligée de se cacher et de se recouvrir la tête avec sa cape pour ne pas regarder l'homme en face, etc. etc. Enfin, ils ont codifié comme ça tous les aspects de la vie, sans parler de la religion, etc., et des rites initiatiques. Enfin, c'est un truc, c'est absolument sidérant. Et c'est une société sans richesse, sans forme de hiérarchie entre les hommes. Les hommes ne se donnent pas d'ordre. Si vous donnez un ordre à quelqu'un, c'est considéré comme la pire offense que vous pouvez lui faire, et ça finit par le soit il y a un suicide, soit il y a un meurtre. Et si vous dites va me chercher de l'eau, j'ai soif, c'est le truc le plus grave que vous pouvez faire dans cette société. Apparemment, vous dites ça à une femme, il n'y a aucun problème, hein, elle a intérêt à obéir vite fait. Voilà, donc ça, c'est typiquement une société qui n'est pas une société de classe et qui n'est même pas une société du monde 2. C'est des petits agriculteurs, mais qui ne sont pas stockeurs et qui ne sont pas inégalitaires. Et pourtant, il y a une domination masculine à un point énorme. Il y a des gens, par exemple, en Amazonie. Donc voilà une tribu d'Indiens d'Amazonie, eux aussi c'est des petits agriculteurs égalitaires sur le plan économique, et qui eux aussi ont des rites initiatiques absolument épouvantables pour les femmes, et cet exemple est un peu connu en ethnologie, parce qu'un jour il y a un de ces gens-là qui s'est flatté auprès de l'État. Eux, ils punissent, par exemple, les femmes qui sont un peu trop indépendantes ou qui obéissent pas. La technique, c'est le viol collectif, par exemple. Et après, les hommes se le racontent dans la maison des hommes avec des gros rires gras en disant, voilà, des témoignages d'ethnologues qui racontent ça. Et donc, des gens comme ça, pareil, rentrent pas du tout dans le cadre défini par un autre. Un exemple très classique, c'est les Inuits. Alors là, il y avait des situations de rapport homme-femme assez différentes selon les groupes. Les Inuits, c'est énorme, hein. Ça commence en Alaska et ça finit au Groenland, hein. Donc ça fait 15 000 bornes de large. Donc tout le monde ne faisait pas pareil, mais il y a un certain nombre de groupes Inuits où le mari a sur sa femme les droits sexuels univoques, et en particulier il peut la prêter ou il peut l'échanger sans le consentement de la femme. Évidemment, l'inverse est absolument inimaginable, et on a des tas de cas de mariage forcé avec des raffinements du genre, enfin, la femme qui essaye de s'enfuir, le mec qui la rattrape et qui la tabasse, etc. Et si la femme s'enfuit trop souvent, le mec finit par lui taillader les pieds pour qu'elle puisse plus marcher pendant un certain nombre de semaines, voire lui couper le tendon d'Achille, enfin des choses comme ça. Et c'est des gens, encore une fois, qui n'ont pas de richesse, qui n'exploitent pas, qui n'accumulent pas de biens, etc. Mais voilà. Un autre exemple, mes Australiens, dont je parlais tout à l'heure. Voilà une photo qui date de la fin du 19e siècle, où donc, vous disiez, la carrière religieuse et matrimoniale de l'Australien, c'est d'accumuler. Alors ça dépend des coins, il y a des coins où ils étaient quasiment monogames, mais enfin il y a des coins où la polygamie tenait. Je crois que le record enregistré de mémoire, c'est un peuple chez lequel il y avait quelqu'un qui avait 29 femmes. Si vous voyez un peu ce que je... Et tout dans, encore une fois, c'est un peuple égalitaire sur le plan matériel. Mais là, donc, je ne sais plus, mais c'est lui, je crois, le personnage principal. Et il pose avec ses 5 femmes et ses 4 filles, je crois, quelque chose comme ça. Et il n'est pas au bout de sa carrière. Hein. Il fera mieux quand il sera plus grand. Hein. Et puis alors, pour finir, des Indiens de la Terre de Feu, ceux-là, je les aime bien. Je trouve qu'ils font un vrai effort de... voilà. Et alors ceux-là sont absolument extraordinaires parce que ils ont une religion à initiation, comme les Australiens d'ailleurs, et alors comme souvent chez ces peuples-là, la religion à initiation, en gros, on vous initie, c'est-à-dire que quand vous êtes un homme, hein, un adolescent, on vous initie en vous expliquant qu'en gros tous les esprits qui viennent terroriser, etc., la tribu et desquels il faut avoir peur et tout, et bien en fait ça n'existe pas. C'est les hommes qui se griment et qui jouent les esprits. Et donc l'initiation, vous voyez, l'initiation de la religion, c'est pas qu'on vous apprend en fait que Dieu existe, on vous apprend au contraire que le Père Noël, c'est de la blague. Et voilà, et alors leur cérémonie à eux, ça consiste donc à prendre les hommes les hommes initiés, ils se griment, alors là c'est le petit grimage, il y a des photos qui traînent sur internet du vrai grimage, alors il y a des trucs absolument extraordinaires, les mecs faisaient des masques avec des ailettes comme ça sur les côtés là. Et une partie du truc, ça va être de débouler dans le campement où il reste les femmes et de les terroriser, au besoin d'en cogner quelques-unes, avec, vous avez les maris qui avant prennent commande entre guillemets en disant bah, ma femme cette année elle a pas été obéissante, tu vas là, etc., et on va les blesser et on va leur taper dessus, etc., pour qu'elles se tiennent à carreau, etc. Et les gars ont même un mythe de matriarcat originel. C'est-à-dire que les gars racontent entre eux, avant, c'était les femmes qui nous faisaient ça. C'est-à-dire que c'était elles qui étaient initiées, elles se grimaient et elles venaient nous tabasser, etc., etc. Heureusement, un jour, il y a un gars qui a laissé trôner l'oreille et qui les a surprises. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a zigouillé toutes les femmes, sauf les petits bébés. Les mecs racontent ça. Et on a dit, bon, on va leur faire le même coup. Et depuis notre religion, ça sert à ce que les femmes se tiennent tranquilles. Voilà. Et donc, vous avez ce peuple de chasseurs-cueilleurs qui vous raconte des trucs comme ça. Alors, pour finir, puisque on approche de la fin quand même, donc si on voulait, disons, récapituler la situation, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les peuples, il y en a que j'ai cités ici, d'autres que je n'ai pas cités, mais vous voyez, j'ai essayé de faire un truc, alors ça c'est pas vraiment une flèche du temps, mais enfin un petit peu quand même, enfin voilà, c'est à la louche, hein, mais enfin pour dire, chez les chasseurs-cueilleurs égalitaires, chez les gens qui font de la culture mais qui restent égalitaires aussi, et puis chez les gens où il y a déjà des riches et des pauvres, etc. Et puis surtout ce qui est un peu important, c'est cet axe-là, c'est-à-dire voilà ce que c'est une domination masculine, et plus on va par là, plus on peut considérer qu'elle est marquée, donc j'ai mis le Barouilla comme record du monde, voilà. Là, ça serait donc une situation, je ne dirais pas d'égalité des sexes, j'y reviendrai, je dirais d'équilibre des sexes, où on peut grandir s'il y en a un qui domine l'autre, etc. Et puis là, ça serait la zone, à proprement parler, du matriarcat. Bah tiens, si on appelle ça le patriarcat, bah ça serait ça le matriarcat. Alors ce qui est extrêmement frappant, c'est que, vous voyez, on trouve de tout à tous les stades, c'est-à-dire que chez les chasseurs-cueilleurs égalitaires, comme chez les gens qui ont développé des richesses, et bah, y a des sociétés avec des rapports de sexe, ma foi, tout à fait équilibrés, jusqu'à des sociétés avec une domination masculine extrêmement forte. Et ce qui est extrêmement frappant, c'est que là, c'est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune société qui n'a jamais été observée où on pouvait clairement dire là, c'est les femmes qui dominent. Ça ne s'est jamais vu, on n'a jamais vu une seule. Donc il y a quand même un truc. Alors, pour finir, bah, je me hasarderai à une petite explication. En tous les cas, c'est celle que j'avais proposée dans mon bouquin, donc je dis pas que c'est la bonne, mais enfin, pour moi c'est la bonne faute de mieux. C'est que ces sociétés, justement, il faut éviter d'en parler, par exemple si on parle des Iroquois ou des Bushmen, j'éviterai le mot d'égalité des sexes. Chez nous, l'égalité des sexes, en fait, ça veut dire l'identité des sexes. Alors, je ne parle pas d'identité biologique, évidemment, chacun sait que le sexe masculin biologiquement est différent du sexe féminin, mais quand on dit nous, on veut l'égalité des sexes, on veut dire en fait que les hommes et les femmes doivent pouvoir occuper les mêmes places. C'est ça l'idée, c'est qu'il ne doit y avoir aucune espèce de discrimination, ni de droit, ni de fait, en fonction du sexe, et que pour toutes les occupations de la vie sociale, ben, justement, il n'y a pas des boulots d'hommes et des boulots de femmes, il n'y a pas des droits d'hommes et des droits de femmes, etc. C'est ça l'égalité des sexes. Et bien ça, c'est une idée étrangère à toutes les sociétés primitives. Il n'y a pas une seule société primitive où cette idée-là semblerait pas complètement absurde. Ce sont des sociétés qui sont toutes marquées par une profonde division entre les hommes et les femmes. Et j'ai mis comme exemple, par exemple, une danse iroquoise, qui a un caractère religieux, mais n'empêche, on a les hommes qui dansent d'un côté et les femmes qui dansent de l'autre. Et chez les Iroquois, par exemple, les hommes et les femmes ne mangeaient pas ensemble. Les ethnologues vous disent, ils vivaient des vies quasiment séparées. Ils se voyaient le soir, éventuellement la nuit, ils couchaient ensemble, mais le reste du temps, chacun vaquait à ses occupations, et c'est des sociétés où, d'une manière ou d'une autre, il y a un cloisonnement de la vie sociale entre ce que font les hommes et ce que font les femmes. Après, ce cloisonnement peut être organisé sur la base d'un relatif équilibre ou sur la base d'une domination, mais donc il y a cet aspect que dans aucune société primitive, les hommes et les femmes sont considérés comme les membres d'une même espèce humaine qui pourrait avoir les mêmes rôles sociaux, etc. Alors, à mon avis, cela doit être rattaché au fait que il y a partout ben, ce qu'on appelle la division sexuelle du travail, ou la division sexuée du travail, c'est la même chose, c'est-à-dire partout l'idée qu'il y a des travaux d'hommes et des travaux de femmes. Alors après, les sociétés vont... certains travaux vont être ici des travaux d'hommes, là des travaux de femmes. Il y a des sociétés qui vont admettre que certains travaux puissent être indifféremment des travaux d'hommes et des travaux de femmes. D'autres coupent au maximum tout ce qui peut être séparé. Mais cette division existe dans absolument toutes les sociétés primitives. Et l'aspect marquant de la division, c'est que absolument partout, le monopole des armes létales, c'est un monopole. Enfin, il y a un monopole masculin des armes létales. Ça, c'est le truc absolu, c'est une constante absolue. est assez difficile à expliquer, et je ne cache pas qu'il y a un moment où on en est réduit aux spéculations, ne serait-ce que pour une raison simple, personne ne peut dire à l'heure actuelle quand naît la division sexuelle du travail. C'est un truc propre à l'espèce humaine. Vous avez ça chez aucune autre espèce animale, les primates. Il n'y a pas des primates où, par exemple, la femelle n'aurait pas le droit de chasser certains trucs. Il y a éventuellement des rôles sexués, mais il n'y a pas ce côté où un sexe ne ferait pas certains trucs que l'autre fait. En tous les cas, donc, c'est un truc caractéristique de l'humanité, mais personne ne sait si c'est très vieux, très récent, purement culturel, à moitié biologique, complètement biologique. Enfin, bon, voilà, pas complètement biologique, non, parce que ça se traduit par des choses conscientes. Voilà. En tous les cas, il me semble que cette division du travail et le fait que partout sont les hommes qui ont les armes expliquent l'absence de matriarcat. C'est-à-dire qu'en gros, partout les hommes, ils ont ce pouvoir-là sur les femmes. Enfin, pas sur les femmes. Ils ont ce pouvoir-là, ils ont ce domaine-là de compétences. Ils ont la violence armée sous sa forme la plus létale, la plus organisée, etc. Alors après, tout dépend des autres combinaisons de la société. Si vous êtes dans une société où, par ailleurs, les femmes vont avoir un certain nombre de droits de pouvoir, et en particulier sur le plan économique ou religieux, on va avoir cette espèce d'équilibre des pouvoirs, typiquement à l'iroquoise. Les hommes s'occupent de la chasse et de la guerre, les femmes ont l'économie, et finalement, l'un équilibre l'autre, et il n'y a pas de domination masculine. En plus, un truc que j'ai oublié de dire, mais chez les Iroquois, non seulement les clans passent en ligne féminine, mais c'est les maris qui vont habiter chez leurs femmes. Donc le mari est en quelque sorte pas chez lui, chez sa femme, et si la femme n'est pas contente du mari, elle prend ses affaires, tac, elle les met sur le bord de la porte, et l'autre il sait qu'il n'a plus qu'à rentrer chez sa mère, voilà. Et évidemment, dans la maison, il y a une maison avec plein d'appartements de femmes qui sont sœurs, cousines, mères, tantes, les unes avec les autres, donc le mec il n'est pas dans une situation de rapport de force. Si vous êtes par contre, donc là, le gars a la violence armée, c'est lui qui a le casse-tête, l'arc, etc. Mais en face, les femmes ont collectivement des positions qui permettent d'équilibrer tout ça. Et puis par contre, vous allez avoir des sociétés qui ne reconnaissent pas aux femmes tous ces droits-là, et au contraire, les hommes vont cumuler le pouvoir militaire, plus le pouvoir économique, éventuellement avec une religion comme chez les Barouya ou comme chez les Australiens ou comme chez les gens de la Terre de Feu dont je vous ai parlé, qui vient bien systématiser tout ça, etc. Et dans ces cas-là, évidemment, on arrive vers des patriarcats les plus marqués. Et donc, cette division sexuelle du travail, ça, c'est confirmé par contre par l'archéologie, c'est-à-dire que partout où l'archéologie nous montre des gens avec des outils, soit par des peintures, soit par des tombes, etc. Et ben partout, on trouve que les outils des hommes et les outils des femmes, c'est pas les mêmes. Et partout, on trouve les armes dans les mains des hommes. Enfin, les armes les plus létales. Il y a quelques nuances à apporter à ça. On se les garde pour la discussion éventuellement, mais c'est des nuances. L'idée de fond, elle est quand même... Et il me semble que c'est pas complètement un hasard, et j'en finirai là, j'espère avoir pas été trop long, c'est pas complètement un hasard si l'idéal de l'idée de l'égalité des sexes moderne, tel que nous on le formule, c'est-à-dire cette l'idée que les femmes et les hommes devraient indifféremment pouvoir occuper les mêmes places dans la société, l'idée, disons, allez, on va le dire autrement, l'idée que la société devrait être asexuée, c'est pas un hasard si cet idéal-là, il est né, il y a 2 ou 3 siècles, avec le capitalisme et avec la production marchande. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on est dans une société où on s'est mis à produire des objets vendus sous une forme anonyme, c'est-à-dire que quand vous vendez l'objet, il est échangé contre un machin qui s'appelle la monnaie, quand on vous dit qu'une chemise, ça vaut 20 euros, a priori, vous ne savez pas si la chemise, elle a été fabriquée par des hommes, par des femmes, moitié-moitié, etc. Et c'est pas le problème. C'est aussi une société où on s'est mis à vendre les travailleurs eux-mêmes, c'est-à-dire la force de travail, et où du coup, quand vous dites qu'une force de travail vaut tant d'euros et une autre force de travail tant d'euros aussi, vous dites, ça veut dire que finalement c'est la même chose, hein, elles sont interchangeables et comparables entre elles, et puis tout naturellement, la force de travail qui se vend pas cher, elle dit pourquoi moi je serais vendu moins cher de la force de travail qui se vend plus cher, et il y a l'idée de à travail égal, salaire égal. Mais vous voyez, pour que on en vienne à penser à travail égal, salaire égal, il faut déjà qu'il y ait travail égal, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on soit dans une société où on puisse puissent indifféremment embaucher des hommes, des femmes, etc. Chose impossible dans les sociétés primitives, il n'y a pas de marché du travail, il n'y a pas de monnaie en tous les cas, pas pour payer ces choses-là, etc. Et donc là, il me semble que l'idéal de l'égalité des sexes, eh ben, c'est typiquement un produit du capitalisme. Alors après, je finirai sur la question ouverte, est-ce que l'égalité des sexes est réalisable sous le capitalisme ou pas ? Vaste question, et puis je ne vais pas essayer de répondre là en trois mots. Mais enfin, en tous les cas, clairement, c'est lui qui a fait naître les éléments de la solution. Enfin, c'est sa machinerie économique, disons, qui a fait naître les éléments de la solution. Et je vais m'arrêter là, parce que j'étais bien bavard. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, il nous reste une petite heure pour les questions et les réponses. Alors, je vais peut-être commencer rapidement par relancer le débat. Je reviens sur le scénario de la classification et le scénario de Testard, les trois mondes avec l'apparition de la richesse et ensuite l'apparition des classes. C'est pas une question sur Testard, c'est une question sur ta position, mais quel est le lien entre cette évolution et cette classification et la question de la jeunesse de l'État ? Parce qu'on a l'impression que par rapport au scénario engelsien, la naissance de l'État est moins imbriquée dans cette histoire proprement économique, elle est moins organiquement liée à des évolutions économiques. Comment tu vois cette question de l'émergence de l'État et... Ah ben c'est sûr que lui, Testard, il se disait pas marxiste, mais il se disait plus marxiste en tous les cas, puisqu'il l'était quand il était petit, mais il avait changé d'opinion là-dessus. Et c'est sûr que lui... il a fait un bouquin hein, d'ailleurs sur l'origine de l'État qui est vachement bien. Il privilégie, disons, les aspects politiques, directement politiques, sur les aspects économiques derrière, tout en disant que ça s'imbrique un peu, parce que en gros, pour avoir un État, il faut que tu aies des gens qui acceptent d'obéir, il faut que tu aies une force qui se mette au service d'un certain nombre d'individus ou d'un individu, et pour que tu aies des gens qui acceptent de leur obéir alors qu'au départ tu es dans une société d'hommes libres et indépendants, il faut que ces gens-là ils aient été mis en dépendance d'une manière ou d'une autre, et donc il y a quand même des phénomènes économiques derrière. Mais clairement, lui, il disait l'État peut exister dans des sociétés sans classe. Typiquement, Ah, ça y est, je me suis trompé. Typiquement, c'est cet exemple-là là, que j'ai cité tout à l'heure. Il y en a quelques autres, mais voilà, c'est celui-là. Et il dit, ces sociétés africaines-là, d'après la définition que je donne des classes, c'est des sociétés sans classe, et incontestablement, elles sont étatiques. Alors moi, je suis un peu réservé. Je suis réservé surtout, alors sur la naissance de l'État, j'avoue que j'ai pas tellement d'idées parce que j'ai lu Testard et je trouve ça très intéressant, mais j'ai pas les billes pour faire peut-être un jour, on sait rien, j'espère, mais enfin voilà. En tous les cas, moi ce qui me gêne, c'est comment on classifie ça, c'est-à-dire que c'est comme tous les machins intermédiaires, si on prend un critère, on va le mettre d'un côté, si on prend l'autre. Donc encore une fois, ces sociétés-là, si tu prends comme critère des classes, est-ce qu'il y a une propriété foncière, et où est-ce que du coup celui qui veut bosser la terre, il est obligé de payer un loyer au propriétaire, etc. C'est pas des sociétés fixes, puisque c'est à l'africaine, tout membre de la tribu a droit à un lopin de terre pour faire pousser son truc, etc. Donc voilà. Mais si tu prends un autre critère qui moi me semble pas plus idiot que le précédent, à savoir est-ce qu'il y a des gens qui dans la société de manière structurelle et permanente vivent sans bosser du travail des autres, la réponse est oui. Donc à ce moment-là, si on prend ce critère-là, moi je prends cette société et je la mets dans le monde 3 en disant ah c'est un cas particulier de société de classe et tout. Mais je crois que de toute façon la question des formes intermédiaires dans les sociétés, c'est un problème épouvantable. Les biologistes ont du bol parce que eux ils ont un critère formel assez simple pour savoir s'il faut faire deux cases ou une seule. T'as un critère pour savoir si c'est deux espèces ou si c'en est une. Si ça se reproduit et que le produit peut faire des petits, c'est la même espèce. Si tu réponds non, c'est deux espèces différentes. Alors après, dans les détails, tu peux t'embêter, mais enfin quand même, c'est bien pratique. Quand tu veux classer les sociétés, moi je connais pas de critères formels qui permettent de dire bah là on a affaire à deux sociétés de types différents ou voilà. Et donc typiquement dès que tu commences à faire des cases, tu trouves des trucs entre les cases. Et le truc entre les cases, qu'est-ce que t'en fais ? Est-ce que tu le ranges d'un côté ? Est-ce que tu le ranges de l'autre ? Est-ce que tu le laisses au milieu en disant Et voilà les problèmes que ça pose, ces machines. Et les questions annexes, alors c'est quoi la définition de l'État que tu retiens ? Est-ce que c'est l'existence d'un d'une continuité dans une forme de pouvoir politique, ou est-ce que c'est disons, un appareil d'État militarisé, la violence quoi, au sens engelsien Oui, enfin, je crois que ça, il n'y a pas que Engels. Enfin, si tu prends la définition d'Engels, de Weber et de... Alors Testard avait légèrement amendé la définition de Weber, mais enfin, en gros, il dit qu'il y a un État à partir du moment où tu as donc une organisation qui a, sinon le monopole de la violence, du moins qui en détient une telle quantité que aucune autre fraction de la société ne peut réellement s'y opposer. Enfin, Weber disait il y a monopole de la violence. Testard, c'est pas forcément le strict monopole, ça peut être un... comment dire, ça peut être un rapport de force tel que tu laisses un petit peu de violence disponible aux autres, mais enfin, s'il y a conflit, ils se font ratatiner. Oui, là-dessus, moi, je vois pas de raison d'avoir une idée originale, mais par contre, sur comment ça s'est fait, et est-ce que d'abord ça s'est fait partout pareil, sûrement pas. Plus de questions que de réponses. Sur cette discussion, on pourrait dire que, en fait, le fait de financer une puissance publique, enfin, un État, si c'est volontaire et c'est relativement égalitaire, ça implique forcément que ceux qui travaillent dans cet État vont pas travailler à la production de la propre subsistance, mais ça ne suffit pas, à mon avis, à parler d'exploitation. Parce que le fait qu'on décide de déléguer des fonctions sociales à d'autres et qu'on décide aussi que ceux avec qui on dirige puissent subvenir à leurs besoins au travail des autres, à mon avis, ça fait un critère supplémentaire pour l'exploitation. Donc, peut-être que ça sera un moyen de défendre l'idée sur laquelle il peut y avoir État sur la C'est possible, j'en connais pas d'exemple. Non, mais d'après le point de vue du concept d'exploitation. Ouais, mais sauf que justement, à partir du moment. Alors, je connais des exemples de sociétés où tu délègues des fonctions et où au volontariat, tu contribues à. Alors, pas forcément à entretenir les gens qui les exercent, mais à leur donner les moyens de les exercer. Il y a un exemple moi, que je trouve génial, c'est. Des Indiens du sud-est des États-Unis, là, qui, tu vois, vers la Virginie, là, dans ce coin-là, où tu avais. Donc, chaque Indien avait sa terre, son bout de terre qu'il cultivait, etc. Et tu avais donc le chef du village. Alors, c'était le chef d'un conseil, mais enfin, quand même, c'était le chef. Et il y avait des terres collectives, en quelque sorte. Enfin, il y avait des terres trésors publics. Non, je dis une bêtise. Non, il y a un silo, mais il n'y a pas de terre. Hein. Oubliez ce que j'ai dit. Et. Les gens contribuaient au volontariat à alimenter le trésor public. Au volontariat, ce n'est pas un impôt. Et donc tu as le chef, mais le chef, c'est aussi un paysan. Fait que, il est chef, etc., mais ça ne le dispense pas de bosser comme les autres. Alors tu as un truc très marrant, très, à mon avis, c'est très symptomatique. Les gars disent. Dans la vie de tous les jours, tu croises le chef, etc., tu lui dis bonjour comme à n'importe qui, aucun signe de déférence, c'est Gaston, Dans le cadre de ses fonctions, quand il est au conseil du village, tu lui baisses les pieds. Et tu vois très bien comment ça peut être en train de basculer cette affaire-là, c'est-à-dire comment tu as là le germe du tribut et de l'impôt en fait. Mais des sociétés où justement il y aurait des gens délégués à plein temps sur la base d'une contribution volontaire, je ne crois pas que ça existe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des gens délégués à plein temps à certaines fonctions publiques, ils vivent avec l'impôt, c'est-à-dire avec des contributions pas du tout volontaires, et là, ça y est, tu as l'État. Quoi. Oui, mais est-ce que l'impôt, ça définit l'exploitation ? Parce que on pourrait vite penser que l'impôt, c'est justement... ça dépend en fait du niveau de l'impôt, parce que si l'impôt il est là pour juste financer des inégalités extrêmes, ok, mais on peut imaginer que l'impôt, c'est juste pour leur permettre de continuer à subsister, parce qu'il ne faut pas qu'on... Donc là, ça serait juste un paiement de toutes les choses, c'est une sorte de salaire. Là, je pense que les mecs qui touchent l'impôt vivent beaucoup mieux que ceux qui le payent. Et que l'impôt ne sert pas seulement au truc collectif, il sert aussi à assurer un bon train de vie. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Mais, enfin, encore une fois, c'est des trucs... il y a des tas de situations très compliquées, très embrouillées, et où justement on part avec des a priori qui sont des a priori hérités de ce que nous on vit, et puis boum, t'arrives dans des sociétés où ça se passe pas du tout comme tu croirais que ça devrait se passer, et voilà. Et mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans aussi des formes de pouvoir qui sont un peu paradoxales par rapport à ce que nous on appellerait à proprement parler une domination, dans la mesure où par exemple dans ce royaume africain, enfin je ne me rappelle plus exactement lesquels, mais il y a quand même une pratique du régicide rituel où le roi est mis à mort à la fin. Dans les sociétés amazoniennes, on a des mises à mort de chamans aussi quand ils ne remplissent pas bien leur rôle. Donc en réalité, la domination n'est pas complètement unilatérale non plus, dans la mesure où ils sont concrètement en danger dans la position qu'ils occupent. Enfin, Alors, je connais assez mal hein, ces histoires africaines, donc je sais qu'il y a des régicides rituels, etc., mais je préfère jouer mon joker là-dessus, parce que sinon je vais dire des bêtises. Ce qui est sûr, alors les chamans, je ne connais pas très bien, mais ce qui est sûr, c'est que, en particulier dans les sociétés du monde 2, donc ces espèces de trucs intermédiaires entre... il y a déjà de l'exploitation... Mais on a quand même affaire à des gens qui se nourrissent eux-mêmes avec la terre qui leur revient de droit et qui sont armés, parce que c'est quand même ça aussi, hein, ces sociétés-là. On a effectivement une espèce de jeu de bascule entre les riches qui essayent de temps en temps, et même assez souvent, de tirer la ficelle vers ce qui les arrange, et puis la population qui se défend, etc. Et alors il y a un truc en particulier qui est extrêmement frappant, et moi qui m'intéresse évidemment pour d'autres raisons, mais... qui est que dans toutes ces sociétés-là, on vous reconnaît le droit d'être riche, et on trouve même que c'est une excellente chose, et on glorifie la richesse, aucune honte avec la richesse. Ça veut dire, quand vous voyez des machins comme ça, vous voyez bien que c'est des sociétés, excusez-moi, je vais dans le mauvais sens, quand on voit des sociétés comme qui font ça, on voit clairement que c'est des sociétés qui n'ont aucun problème avec la richesse. Je suis riche, je le montre, je fais la grande fête qui va valider mon niveau de richesse, etc. Donc c'est pas du tout des sociétés où on a la richesse honteuse, hein, c'est pas... En revanche, unanimement dans ces sociétés-là, vos richesses doivent servir à la collectivité. Elles sont à vous, mais vous n'avez pas le droit de les laisser roupiller. Et en particulier, si vos richesses sont sous forme de choses comme ça, c'est-à-dire de biens de production, de canoës, de choses qui vont servir pour la chasse à la baleine, ou des choses comme ça, vous n'avez pas le droit d'en détenir au-delà de ce que vous mettez en... de ce que vous utilisez pour la société. C'est à vous, et c'est à vous que reviendra le meilleur de la pêche et le prestige et tout ce que vous voulez. Mais si vous ne vous en servez pas, c'est criminel, c'est considéré comme un crime contre la société. Et il y a des tas d'exemples de riches comme ça qui se font malmener, voire mettre à mort, parce qu'on considère qu'ils accumulent des biens dont ils commencent à monopoliser les moyens de production, en fait. Et alors ça, c'est considéré comme le crime absolu. Des exemples en Papouasie de riches qui se font zigouiller parce qu'ils ne se servent pas de leurs cochons, de leurs coquillages, pour les prêter aux gens qui ont besoin de se marier. Ils les gardent pour eux. Donc ils s'en seraient servis pour les prêter, y compris se faire encore plus d'argent avec ça, car ça ne posait aucun problème, c'était très bien, etc. Mais le riche qui ne fait qu'accumuler, alors celui-là... Et effectivement, c'est des sociétés où on voit apparaître... c'est assez drôle comme... les classes ne sont pas encore apparues, mais enfin, il y a les formes... Disons, c'est des proto-classes, enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, des germes de classe, etc. Et bien, il y a des germes de lutte de classe. Et, voilà. Et la différence, évidemment, c'est que les riches n'ont pas d'État pour les protéger, et que du coup, évidemment, ça marche quand même au consensus, cette affaire. Et que si les gens, à un moment donné, trouvent qu'il y a de l'abus, et ben, le riche, il est tout de suite en mauvaise situation, parce que les autres, ils sont nombreux, ils sont armés, et ils n'ont pas forcément peur de lui. J'aurais deux questions en fait sur la jeunesse de l'inégalité sociale, un peu dans le sillage de ce que disaient Emmanuel et Stéphane. Ma première question en fait, c'est si on regarde bien la manière dont se produit l'inégalité sociale, ce que vous indiquez au départ, c'est quand même un problème de prêt, c'est-à-dire je dois à la fois me marier ou je dois réparer un tort, donc je demande de l'argent, me prête de l'argent, et donc je suis endetté, et l'endettement c'est une forme de domination qui consacre en fait une inégalité sociale. Mais alors, du coup, avec ce qu'on vient de dire sur le problème du politique lui-même, de la jeunesse du politique, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que le troisième modèle, au fond, c'est le fait que soit de manière fonctionnelle, je prélève une part de la richesse sociale parce que je remplis des fonctions de coordination, de direction des actions collectives, et donc j'acquiers par là, je deviens quelqu'un qui est en position d'inégalité sociale en prélevant, soit autre modèle possible, c'est un peu ce que raconte Brian Dayden dans son livre sur l'inégalité sociale, c'est le problème de la prédation, c'est-à-dire je suis en position, par la monopolisation de la violence et des armes, de prélever cette fois-ci, non pas de me faire fonctionnellement donner quelque chose, mais de prélever par la violence à tribut, là j'impose l'impôt, c'est plus de la dette, enfin, c'est l'extorsion, et par l'extorsion, évidemment, là je crée de l'inégalité sociale. Donc c'est plus le prêt dans ce cas-là qui serait le modèle, mais c'est vraiment l'extorsion directe, enfin, le modèle de la violence. Donc une première question, c'est est-ce qu'il n'y a pas cet aspect-là qui intervient? Et deuxième question, qui est aussi un peu une alternative par rapport au prêt, est-ce que le problème du prestige lié au don n'est pas aussi un moyen de distinction sociale qui crée l'inégalité sociale ou qui l'accroît considérablement? Par exemple, le livre assez récent de l'archéologue qui s'appelle Alain Dupouy, qui travaille sur la Grèce ancienne et qui montre de quelle manière, en réalité, quand on parle d'aristocratie grecque, c'est assez compliqué, parce qu'il n'y a pas une aristocratie grecque qui est statutairement établie, etc. Mais elle se crée, elle se recrée en permanence par le biais du prestige social. C'est le monument funéraire, c'est le don qu'on fait à la collectivité, c'est le banquet qu'on donne, c'est le fait de se réclamer d'une ascendance prestigieuse en termes. Et tout ça crée en fait de la visibilité sociale, de la hiérarchie, et ça permet de capitaliser après de la richesse parce qu'il y a eu au départ cette stratégie de distinction. Donc là, du coup, on dirait que c'est finalement la stratégie du prestige qui apparaît comme première, qui est la condition de la création presque de la classe, en fait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle, là, finalement, qui fonctionne aussi Vaste question. Je suis pas sûr d'être capable de répondre à ça, mais enfin, je vais faire de mon mieux. Alors que une fois que, la richesse existe, c'est-à-dire en gros que les biens servent pas seulement à remplir. La naissance de la richesse, c'est ça, c'est le fait que les biens ne servent pas seulement pour leur valeur d'usage, mais qu'ils se mettent à jouer une fonction sociale. Avec les biens, vous pouvez acheter des choses et acheter des prestations de gens. Enfin, pas seulement faire un échange de biens contre biens, mais acheter des prestations de gens. À partir du moment où ça existe, c'est clair qu'il va y avoir plein de façons possibles, plein de lignes de fissures possibles. Alors la dette en est un, mais j'ai peut-être donné l'impression que c'était la seule, mais non, enfin je suis allé vite en disant ça, mais évidemment que c'est pas la seule. Évidemment que la prédation par la violence, c'en est une autre. Le don, voilà. Alors, simplement, il me semble que ces choses-là, en même temps, sont évidemment des sources de différenciation future, etc., mais ont quand même comme précondition le fait que justement on vive dans une société où la richesse joue la fonction. Je vais prendre un exemple tout bête, il n'est pas tout bête, mais voilà, je pense qu'il se passe dans une société comme ça, comme les Australiens. Et les Australiens, par exemple, ils se font des dons, éventuellement. Mais nulle part, ils font des compètes de dons où ils font le don spectaculaire qui va attirer le prestige, etc. Ils font des dons comme des gens qui n'ont pas beaucoup de biens et des biens qui ne servent pas à autre chose qu'à être utilisés pour eux-mêmes et où finalement, il n'y a pas de logique qui peut s'enclencher où du coup, celui qui a plein de richesses, eh ben, il va apparaître comme ceci ou cela. Ces gens-là se font la guerre. Et ils se font la guerre, pas qu'à moitié, hein, pareil, enfin, j'en ai pas parlé de ça, mais enfin, l'idée que le monde 1 c'était un monde gentil, pacifique, etc., c'est pareil, il faut oublier, hein, ça se trucide abondamment. Mais ils font pas de prisonniers, pas d'esclaves, et ils ne se piquent pas les territoires. On ne fait pas la guerre pour des objectifs économiques. Alors, je crois que c'est là la clé du truc, enfin, qu'avait identifié Testard. Il dit, bon, ben voilà, le truc, c'est à partir du moment où il y a du stockage, en réalité, il va y avoir l'équivalence qui va se créer entre des travaux, le travail humain et des biens. C'est-à-dire qu'avant, si on voulait se marier, bah, fallait effectuer tant d'années de chasse ou fallait payer de sa personne pendant un certain temps d'une manière ou d'une autre. À partir du moment où le travail humain se met à s'incarner dans des réalisations durables, et ben petit à petit va s'imposer le fait que plutôt que de bosser pendant 3 ans, on peut fournir directement un canoë ou directement 3 haches, etc. Et c'est là le truc qui va enclencher des logiques. Il y a un ethnologue qui s'appelle Lemonnier, Pierre Lemonnier, qui a bossé sur la Nouvelle-Guinée, qui dit des trucs assez étonnants et qui raconte comment les institutions qui creusent les inégalités ont même pu naître de la volonté de rétablir l'égalité. Il dit chez les Papous, il y en a un certain nombre où normalement, justement, on ne paye pas pour se marier. On fait ce qu'on appelle l'échange de sœurs, c'est-à-dire, en gros, les hommes échangent leurs droits sur les femmes. Mais il n'y a pas de paiement. Alors évidemment, celui qui n'a pas de sœur, il est un peu embêté. Mais enfin, dans ces cas-là, il trouve éventuellement un cousin qui, sympa, lui donne sa sœur pour qu'il puisse faire l'échange et se marier. Les femmes, évidemment, dans ce cas-là, la voix au chapitre des femmes dans ce cas-là est assez réduite. Enfin voilà. Et vous avez les sociétés Monde 2 à Richesse, un peu plus loin en Nouvelle-Guinée, où là, pour se marier, c'est 20 cochons, 30 cochons. Je cite dans le bouquin un reportage qui s'appelle. C'est un reportage que j'ai vu à la télé il n'y a pas longtemps, où les mecs vont interroger des vieux papous, un vieux papou, et donc le mec, un vieux papou, il a très fier, il dit ça, c'est mes deux femmes. Je les ai payés 40 cochons chacune. Ouais, vous pouvez en avoir de moins cher. Hein. Il y en a 30 cochons, un cochon, etc. Et touche du doigt un certain nombre de trucs. Et Le Monnier raconte que dans un certain nombre de sociétés où on ne paye pas pour se marier, dans des sociétés sans richesse, qu'est-ce qui va se passer? Vous faites échange de sœurs. Hop. Sauf qu'au bout de 10 ans, il s'avère qu'il y en a une des deux, par exemple, elle est stérile. Et là, les gens disent, mais. C'est pas égal, c'est pas juste, parce que finalement on a fait un échange une femme contre une femme, puis en fait il y en a une qui a des enfants et pas l'autre. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Pour compenser, celui qui a donné la femme stérile, il va donner deux cochons, histoire de rétablir les plateaux de la balance. Et le Monnier dit, c'est peut-être comme ça qu'il y a un certain nombre de. L'histoire joue des sales tours aux gens, et en instituant quelque chose qui était destiné à rétablir l'égalité, ben c'est peut-être comme ça que. Mais sauf que pour qu'on se mette à faire des choses comme ça, ben il faut déjà qu'on ait produit un certain nombre de biens, des haches, des cochons, de tout ce que vous voulez, qui fasse que le travail humain s'identifie à un certain nombre de biens. Il n'y a pas de. Ça, c'est une régularité absolument étonnante. Testard a mis le doigt dessus, mais toutes les sociétés qui font du stockage sont des sociétés où il y a des paiements et où il y a des inégalités. Alors après, avec des tas de structures différentes, et certaines, effectivement, vous regardez les gens de la côte nord-ouest, c'est eux qui se font les compètes. C'est comme les Grecs anciens. Enfin, eux, c'est des dons, c'est les compètes de dons. Ceux qui ressemblent le plus aux Grecs anciens, c'est les Iroquois. Je fais le don à la collectivité. Les Iroquois sont assez collectivistes, donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'ils sont moins inégalitaires que les autres. Mais donc là, le riche fait don au trésor public. Donc il y a des trésors publics de clans, de villages, etc. Et vous vous honorez en versant, mais pas en versant pour. C'est pas lui là, c'est pas celui qui fait le malin. Lui, c'est pour sa gueule à lui. Hein. Lui, c'est moi, machin, très riche, j'ai atteint le 12e grade de ceci, de cela, j'ai régalé le village pendant 3 jours, et donc j'ai droit au mégalithe. Chez les Iroquois, on la joue plus modeste, plus collective, j'ai donné au trésor public, et ça m'honore, etc. Donc après, ça prend des formes effectivement très différentes d'une société à l'autre. Alors du coup, il y a un truc dans ce que vous avez dit, que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Oui, c'est le problème de prestige, en fait. C'est le prix ou le prestige qui crée l'inégalité sociale. Je pense que le prestige, il vient dans un deuxième temps, une fois que le paiement a été mis, une fois qu'on se met à payer avec des biens. Alors à partir de là, il y a des logiques de prestige qui peuvent se mettre. Mais chez les chasseurs-cueilleurs égalitaires, il n'y a pas de prestige lié à ces questions matérielles. Il y a du prestige lié au fait que vous êtes super balèze dans la religion, que vous avez fait une carrière matrimoniale brillante, que vous êtes un bon chasseur, etc. Mais il n'y a pas de prestige lié au fait que vous avez accumulé beaucoup de biens. Et ces gens-là n'accumulent pas de biens, ils s'en foutent, et puis encore une fois, ils sont nomades et ils n'en veulent pas. C'est peut-être ça le sens de la question de Christian, c'est est-ce que le prestige lié à la richesse n'est pas commensurable avec d'autres formes de prestige, ce que tu as cité, de telle sorte que de nouveau les questions de basculement, d'évolution, de transformation, est-ce que le prestige de la richesse ne communique pas sans arrêt avec d'autres sortes de prestige, et c'est ça qui expliquerait le décollage des inégalités, des choses comme ça? Je suis pas sûr de savoir répondre à ça. Et question annexe, c'est. On est à Nanterre, pas seulement l'endroit où Alain Testard a travaillé toute sa carrière, mais aussi l'endroit où on a voulu développer le paradigme du don, n'est-ce pas? Alors, on te sent sceptique face à cette idée que l'idée de don permettrait d'expliquer beaucoup de choses des sociétés dites primitives, et que ça serait quelque chose de plutôt sympa, au fond, malgré la contrainte qui s'y lie. Est-ce que tu es face à l'importance qui a été conférée à cette thématique du don et de l'échange, est-ce que tu es sceptique ou est-ce que ça a sa place dans ta vision Moi, j'ai pas beaucoup d'idées personnelles là-dessus, mais j'ai trouvé que les critiques justement de Testard étaient assez convaincantes et pour pas dire dévastatrices. Mais pour la faire brève, c'est vrai qu'il y a une tradition qui remonte en particulier à Mauss de dire en gros le monde primitif, c'est le monde du don. En fait, quand on lit Mauss, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il dit ça a l'air d'être des dons, mais en fait, c'en est pas. En fait, c'est des échanges. Et puis d'ailleurs, il utilise le mot don-échange un certain nombre de fois, donc on croit que c'est du don, mais en fait, c'en est pas, etc. Alors, Lévi-Strauss, lui, il dit par contre, tout est échange, et finalement, l'humanité se caractérise par l'échange depuis qu'elle existe, etc. Alors, on s'embarque peut-être dans un truc un peu voilà, mais enfin, Testard, en tous les cas, moi, je pense, a fait un vrai boulot sur le concept, déjà, pour bien distinguer qu'est-ce que c'est qu'un don, qu'est-ce que c'est qu'un échange, et pas mélanger les deux, et voilà. Et il dit. Que d'une part, on ne peut pas caractériser le monde primitif comme étant universellement celui du don. Tu as un certain nombre de sociétés dans lesquelles, évidemment, dans toutes les sociétés, il y a des dons, ça est bien clair. Même dans la société capitaliste, il y a des tas de choses que les gens se donnent gratuitement et sans. Voilà. Mais l'importance de l'affaire et la structure, mais. Enfin, mais pas le don, voilà. Alors, tu as des sociétés où tu as des formes, typiquement, chez les Iroquois, par exemple, le don semble, enfin, il existe, encore que chez les Iroquois, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais chez des gens comme ça, le don en tant que tel n'est pas spécialement répandu. Par contre, en général, c'est des sociétés où les histoires de dettes, alors là, ça court, et puis avec des droits sur les débiteurs, voilà. Par contre, ceux-là, ils sont connus, c'est ceux qui font le potlatch. Alors là, le don, c'est même le truc qui se voit le plus dans la société, sous une forme codifiée de compétition, etc. Mais que ça n'ait pas un caractère forcément sympathique, ça je crois que c'est une évidence. Les potlatchs, c'est d'abord et avant tout une il y a un indien de ces trucs-là qui disait avant que les blancs arrivent on se battait avec des armes et maintenant qu'ils sont là on se bat avec des biens. C'est une façon de se faire la guerre ou la compète à moindre frais humain, mais dire que c'est sympathique, que tu fais ça pour humilier les autres. Dire le potlatch, le but c'est dire au village d'à côté, au lignage d'à côté, vous êtes des moins que rien, c'est nous les meilleurs, c'est bon, etc. Sans parler du fait qu'au cours du potlatch, tu vas donner des choses, mais tu vas en détruire aussi un certain nombre, parce qu'il y a le côté nous on est tellement riches et on est tellement bons que on peut vous humilier en vous en donnant, puis regardez ce que j'en fais de mon cuivre blasonné, clac, le truc que j'ai depuis 5 générations dans la famille, je le fous à la mer, et puis comme je suis vraiment riche et que je me la pète carrément, vous voyez les 6 esclaves qui sont là et qui sont à moi, clac, clac, clac, clac, je les tue tous les 6 et voilà, moi je suis capable de tuer 6 esclaves, etc. Alors pour l'esclave, le potlatch sera très sympathique, c'est pas. Ça soulève une sacrée question en anthropologie, c'est ce que vous dites en fait, en vous écoutant. J'ai pensé à beaucoup de choses, mais notamment c'est la question de l'agressivité. Là, ce qu'on discute par rapport au don et la lecture des Lévi-Straussiennes de l'essai sur le don, c'est ça la question. C'est ce qui n'a pas mis de côté en passant sur l'échange, toute la dimension agressive du potlatch, etc., qui est. Je ne sais pas comment on peut ne pas lire dans ce texte qu'effectivement, les totems, ce que vous avez dit de façon rigolote, et celui qui est la plus grosse, on est là-dedans, quoi. Ah oui. Et du coup, Lévi-Strauss, c'est la seule fois qu'il cite Lacan dans cette introduction à l'œuvre de Marcel Mauss. Et justement, il cite Lacan sur un texte que Lacan a publié. Avant-guerre, en 1946, où Lacan parle de l'agressivité en psychanalyse. Il y a notamment l'étude très intéressante du docteur Lacan. Une fois dit ça, plus aucune citation de Lacan. Et en tout cas, on le sait, chez Lévi-Strauss, la question de l'agressivité est relativement mise de côté au profit de l'équilibre et de l'échange. Et au final, c'est des sociétés, c'est un exotisme certain aussi. Pour aller vite. J'oserais dire, bon, c'est un peu avec mes recherches, du coup je m'emballe assez vite, mais un exotisme qui perdure dans nos sociétés, on adore trouver que notre société va mal, et que c'est la merde, et qu'on est violent, etc. Et puis, à l'épreuve des faits, moi je trouve que notre exposé, moi, m'a produit cet effet-là, c'est-à-dire ça ne résiste pas à l'épreuve des faits, parce que dès qu'on va à l'extérieur, on se retrouve avec des choses qui, du point de vue des droits de l'homme, qui est quand même celui auquel on se réfère, même malgré nous, dans notre épistémologie, à essayer quand même de voir entre... On fait toujours ça, un petit peu, je trouve, en sociologie, en anthropologie, de faire la distance entre ce que devrait être la société et ce qu'elle est, et je trouve toujours, il y a un petit peu ça. Et il y a l'exotisme aussi, moi je trouve dans votre exposé quelque chose qui prend beaucoup de distance par rapport à ça, à vouloir chercher le bon chez l'autre. Et du coup, moi j'arrive du Brésil, ça fait 4 ans que j'habite, et je suis parti de là-bas un petit peu en disant la France fait mal, c'est la grosse merde, c'était Sarko qui avait le pouvoir, etc. On était tous dépendés. Et de revenir ici. Partir en exil politique en quelque sorte. Quasiment, surtout marié avec une étrangère, c'était galère, ouais. Ces affaires, mais finalement de revenir ici, et du coup, est-ce que d'un point de vue chercheur, ça ne peut pas aussi réinjecter des choses sur le regard scientifico-politique engagé aussi pour le point de vue de la recherche en France, mais aussi sur ce qui se déroule dans notre société, notamment ce qui me semble soutenir l'ensemble de votre présentation, c'est finalement vous montrer que la question de l'agressivité est disjointe de conditions. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de premier, puisque ça serait transversal aux trois stades, aux trois mondes. Et d'ailleurs, le premier monde, si c'est celui que décrivait Bistros dans les structures orientales apparentées, pour lui, les femmes sont une richesse. C'est la richesse première, c'est une richesse qui est limitée, et du coup, l'échange des femmes permet de réguler l'agressivité entre hommes, pas de l'homosexuel, mais de voile leur affaire plus tard. Et donc régler cette question de l'agressivité dès le départ, indépendamment. Enfin, voilà. La question à l'agressivité, je ne sais pas comment dire. C'est toujours le problème d'essayer d'expliquer des institutions particulières ou des différences avec quelque chose qui est supposé être général. Si on dit l'humanité est agressive parce que on a hérité de quelques milliards d'années d'évolution le fait d'être capable d'attaquer ou de se défendre, c'est sûrement vrai, mais ça n'explique pas pourquoi il y a des sociétés dans lesquelles l'agressivité s'exprime de telle force. Enfin, voilà. Comprenez, est-ce que ces sociétés-là sont plus sympas ou moins sympas que la nôtre? Je pense que la question n'a pas de sens, en fait. Je pense que il y a effectivement le truc du bon sauvage qui court quelque part, et notamment dans des milieux un peu marxisants, l'idée que l'humanité avant a vécu dans des sociétés aimables, gentilles, où il n'y avait ni violence, ni oppression, ni sexe, et que ça, il faut se l'enlever de la tête parce que ces sociétés-là ne sont pas sympathiques, etc. Maintenant, comprenez, en Australie, on trouve absolument pas aberrant de se buter parce que un lointain cousin à vous, il y a 5 ans, est supposé avoir fait acte de sorcellerie sur... Il n'y a pas de mort naturelle en Australie. Donc, sauf les très très très très vieux. Bon, les très vieux, on peut admettre qu'ils sont morts parce qu'ils étaient très vieux. Mais sinon, le mec qui tombe d'un arbre, c'est parce qu'il y a eu un coup de sorcellerie qui a fait que... Donc vous avez un mec qui tombe d'un arbre dans une tribu, on fait la cérémonie qu'il faut pour savoir d'où vient le coup, desquelles les tribus autour, on monte une expédition de vengeance pour aller buter quelqu'un. Et évidemment, le quelqu'un en question n'est même pas forcément celui qui est censé avoir fait la sorcellerie. Enfin, Et donc, c'est des sociétés où on trouve ça absolument normal, etc. Alors nous, évidemment, ça nous révulse et on dit, mais quelle horreur, quel scandale. Enfin, je sais pas, quelle horreur et quel scandale. Mais comprenez, nous, ça nous, on ne trouve pas aberrant que des gens puissent détenir des biens, y compris dans un luxe absolument où les mâchoires vous en tombent, etc. Quand je disais, enfin, je sais pas, un truc connu, mais enfin, il y a 2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas de chiottes. Et ça en fait crever plusieurs dizaines de millions par an. C'est ce truc-là tue plus de gens que la Seconde Guerre mondiale chaque année, du simple fait qu'il y a des maladies qui se développent parce que les gens n'ont pas de toilettes, etc. Notre société accepte ça sans aucun problème. Et ça, c'est une violence qui serait considérée par les Australiens comme un truc absolument hallucinant. Il n'est pas question que dans les sociétés du monde 1, quelqu'un puisse avoir faim, alors que d'autres ont encore à bouffer. Et même dans le monde 2, d'ailleurs. Tant qu'on n'est pas encore dans les sociétés de classe, par exemple chez les Iroquois, en période de disette, les riches se sont mis tout naturellement à contribution. Enfin, c'est même pas, il n'y a même pas une décision qui dit que, mais voilà, c'est normal. Je veux dire, il peut pas, vous êtes dans des sociétés qui sont, sur le plan économique, solidaires. Et donc, après, laquelle est la plus sympa ou la moins sympa, ben, ça n'a peut-être juste pas de sens de poser la question comme ça. Mais alors, et est-ce que dans laquelle est-ce que l'agressivité se manifeste, je ne sais pas trop. Est-ce que la concurrence économique, c'est un déversoir à agressivité? Ouais, sûrement, de même que les matchs de foot pour les supporters, ou la chasse aux lapins, ou j'en sais rien, ou des tas de trucs, ou même des activités finalement bénignes, mais où on a des poussées d'adrénaline en les faisant, etc. Mais le problème, c'est que, mettons que tous les êtres humains aient une certaine quantité d'adrénaline qu'ils produisent et qu'il faut bien qu'ils évacuent, après, selon les sociétés, on a quand même légitimé et autorisé... enfin, quand vous êtes dans des sociétés étatiques, vous avez juste plus le droit de vous faire justice vous-même. Et vous avez beau être... Si vous êtes agressif, il faut que vous trouviez un autre moyen de vous défouler, sinon vous finissez en cabane. Voilà. La définition même des sociétés pas étatiques, c'est qu'il faut se faire justice soi-même, parce que si on le fait pas, on se fait écrabouiller. C'est... Et alors, du coup, est-ce que, mettons, une entreprise implantée dans notre fermier pourrait se servir des modalités du monde selon d'autres modalités? Je ne sais pas bien ce qu'il en reste. C'est-à-dire rendre justice par soi-même, vraiment. Enfin, je ne crois pas qu'il n'y ait plus aucune zone non étatique dans le monde depuis bien longtemps maintenant. Par peut-être au fin fond de l'Amazonie ou dans quelques forêts élevées de Nouvelle-Guinée ou des choses comme ça, mais enfin, il faut vouloir implanter une entreprise là-bas. À mon avis, le businessman qui ferait ça n'aurait pas le sens des affaires, mais il aurait des tas de soucis. Mais déjà, mettre les gens au boulot. Hein. Parce que c'est tout bête, hein, mais ces gens-là, vous ne les faites pas travailler pour d'autres comme ça. Pourquoi ils le feraient? On a des belles monographies de sociétés primitives, justement. Vous comprenez, l'idée même d'aller bosser pour d'autres. Alors, un truc extraordinaire, une petite île, je sais pas, j'ai pas ramené la photo là, mais une petite île du Pacifique s'appelle Tikopia. Alors, c'est au fin fond de la Nouvelle-Guinée, là-bas derrière. Et c'est un des rares boulots d'ethnographie économique vraiment bien fait où l'ethnologue raconte des tas de choses dans le détail. Vous avez, donc chacun gratte son champ, etc. Mais il y a quand même des trucs qu'il faut faire un peu collectivement. Par exemple, la taille des pirogues. Parce que là, c'est un truc, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Donc vous avez les riches, les chefs de clan, etc. C'est eux qui ordonnent le boulot des pirogues. Et donc, ils convoquent les gens pour venir aider à confectionner la pirogue. Parce que abattre un arbre et le creuser quand vous avez des haches de pierre, ça vous occupe un moment. Hein. C'est, Alors, le truc, c'est que les gens ne bossent pour le riche qu'au volontariat. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils ont leur champ. Donc s'ils n'ont pas envie d'aller bosser pour tailler la pirogue, ils ne vont pas bosser pour tailler la pirogue. Ils font pousser leur truc dans leur champ, et voilà. Et donc, le riche les dédommage en les nourrissant. Et donc, les gens qui viennent tailler la pirogue, entre guillemets, comme salaire, ils ont la bouffe, etc. Oui, mais à ce moment-là, ça pourrait vouloir dire qu'ils font ça par intérêt personnel. Et ça, c'est pas bien, parce que dans cette société-là, on ne fait pas les choses par intérêt personnel, etc. Donc, pour montrer qu'on ne vient pas tailler la pirogue pour se faire nourrir, eh ben, on amène de la nourriture le matin pour qu'elle soit, pour que les femmes du riche, etc., la fassent cuire, etc. Enfin, vous voyez, et il y a tout un... Et l'ethnologue dit, j'ai jamais entendu quiconque dire, je vais aller travailler pour être nourri. C'est moralement, c'est inacceptable et les gens ne veulent pas se représenter la chose comme ça. Et ils disent, faut amener de la nourriture. Ils ont une jolie expression. Ils disent, faut amener de la nourriture pour pas venir travailler tout nu. Ouais, et donc, au contraire, on dit, je viens aider mon beau-frère, je viens donner un coup de main à mon pote, etc. Et les gens disent des choses comme ça. Et ils s'encouragent au boulot par la simple pression sociale, et puis parce que on sait bien qu'il faut des pirogues si on veut pouvoir pêcher. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse de temps en temps, donc on s'y colle comme ça. Mais c'est des sociétés où vous amenez une entreprise moderne en disant juste aux gens, venez travailler chez moi. Tant qu'ils ont leur champ à eux, voilà. Alors le truc par contre, c'est que vous leur dites, vous amenez pas que l'entreprise, vous amenez aussi des produits. Et les produits, il va falloir les acheter. Et vous leur dites, si tu veux acheter les produits, il faut venir travailler pour moi. Là, ça change des choses. Mais à ce moment-là, on rentre dans complètement autre chose. On rentre dans comment ces sociétés-là se sont complètement transformées au contact du... Là, aujourd'hui, il reste quasiment plus d'endroits dans le monde, enfin... Bon, les Bushmen, on leur fout peut-être à peu près la paix. Et encore, il y a des ils vivent pour une bonne part dans des réserves. Les Australiens, ils ont été complètement ratiboisés par le contact avec les Occidentaux. Alors, il en reste dans certains coins, etc. Mais enfin, intact, il n'y a plus beaucoup d'endroits où c'est intact. Quoi. J'ai peur que l'État, la monnaie et un certain nombre de choses, ce soit... J'avais des questions plus générales, enfin, des questions là. Tu as commencé en disant que tu revendiquais une approche marxiste. Est-ce que tu peux dire en quel sens tu fais une anthropologie marxiste, les rapports avec l'anthropologie marxiste des années 70, enfin, une approche un peu différente. Et puis plus précisément sur que ça pose le problème aussi d'une analyse disons, marxiste de la domination et donc le rapport entre domination et exploitation. Et là, on revient que du point de vue de la typologie des régimes, la question de la domination de classe est concernée par l'exploitation. Mais d'un autre côté, tu as aussi cette réflexion sur l'oppression des femmes qui semble assez indépendante de la question de l'exploitation. Parce que pour toi, c'est, en même temps, elle est liée à la division sociale du travail. Donc est-ce que la domination masculine, l'oppression des femmes est liée dans ton esprit à une forme d'exploitation, d'appropriation du travail des femmes ou est-ce que c'est. Est-ce qu'il faut avoir une autre conception de domination? Conception, disons, est-ce que la domination est indépendante de l'exploitation? Ce serait disons, une condition qui peut être protégée. On va dire que tu as projeté cette approche. Et alors donc une dernière question, ce qui est frappant dans l'approche de Bourdieu, c'est qu'il explique que le concept de domination, enfin, tout en frappant, c'est que le concept de domination prend des sens complètement différents dans les sociétés dites traditionnelles et les sociétés. Contemporaine, disons, parce que dans l'article, il y a des modes de domination, il soutient, voilà, en fait, jusqu'à ce que la domination devienne quelque chose qui est produit par des formes impersonnelles, eh bien, il fallait que le dominant passe beaucoup de temps pour s'approprier le travail aussi, les services, les biens, les hommages, le respect des autres, se les gagner personnellement, se les attacher, bref, créer un lien personnel. Donc, l'idée, en fait, que le monde dit traditionnel, enfin, le monde des. Le monde 1 et 2, c'est un monde dans lequel le dominant s'épuise à entretenir la domination, alors qu'ensuite elle se reproduit, elle passe par des formes intentionnelles. Et cette idée aussi, c'est un manière marre de qu'il est avec le capitalisme, et bien, il y a une domination impersonnelle qui apparaît. Alors voilà, qu'est-ce que. Donc, Patrick, qu'est-ce que. Entre domination et exploitation en gros, une spécificité des formes de domination dans les sociétés. Je vais faire de mon mieux, je ne suis pas sûr que ça suffise, mais je suis marxiste, enfin voilà, comment dire, parce que c'est la philosophie, la manière de voir le monde qui, à mon avis, l'explique le mieux. Ça veut dire que les classes sociales ça existe, que l'exploitation ça existe. Tout ça, qu'est-ce que ça devient quand on se met à étudier des sociétés où il n'y a pas de classe sociale ou des classes sociales, disons, en voie de formation mais qui ne sont pas achevées, etc. Je crois que c'est un problème compliqué dont on n'a pas forcément la solution. Marx lui-même disait, le cœur du marxisme, c'est quand même de dire je vais analyser les rapports de classe là où il y en a. Du coup, moins il y a de classe, plus c'est difficile de savoir qu'est-ce que ça veut dire précisément être marxiste. En tous les cas, on peut dire en tous les cas que c'est au moins quand on pense qu'il y a des proto-classes, des embryons de classes, des classes en formation, de chercher comment se passe l'exploitation en formation, la lutte de classes en formation, etc. Enfin, c'est une demi-pirouette, mais enfin, c'est une demi-pirouette. Et puis je crois que c'est être aussi simplement matérialiste. C'est-à-dire que, y compris là où il n'y a pas du tout de classe, pas du tout d'exploitation économique, etc., etc., se dire que ce qui conditionne les sociétés, ce qui explique globalement leur mouvement, leur structure, etc., il faut essayer de le chercher du côté des structures matérielles et des choses objectives, et non pas... Enfin, je rebondis directement sur la deuxième question, sur les rapports de femmes. Moi, je n'ai pas lu Bourdieu, je l'avoue... c'est pas bien, et tout. Enfin, je le dis franchement. Par contre, j'ai lu Françoise Héritier, qui passe pour ce qui se fait de mieux en matière d'analyse de rapports hommes-femmes, etc., sur les sociétés cognitives. Je suis désolé, mais tout ce qu'on y trouve au fond du fond, c'est que si les femmes sont opprimées dans ces sociétés-là, c'est parce que la valence. Je crois me rappeler que c'est ce mot-là qu'elle utilise, la valence de ce qui est associé au féminin est inférieure à la valence de ce qui est associé au masculin. Ça, si c'est pas de l'idéalisme pur jus qui n'explique en fait rien du tout, parce que moi je lui retourne la question, mais alors pourquoi est-ce que ce qui est féminin est dévalorisé alors que ce qui est masculin est valorisé? La seule réponse, c'est parce que c'est les hommes qui dominent, et nous voilà repartis au point de départ et on n'a rien expliqué du tout. Pré-social, hein. Si je me souviens bien, pour elle, il y a un pré-social. Elle est naturaliste. Ouais. Oui, mais enfin voilà, mais c'est de l'idéal. Bon voilà, donc moi en tant que marxiste, au moins sur ce genre de truc, tu te dis, tu peux pas accepter une explication qui s'en tient là. Alors après, ça veut dire que ça te donne la clé de voilà. Alors effectivement, donc pour arriver sur la deuxième question, la domination sur les femmes peut revêtir un aspect exploitation de leur travail, et c'est le cas dans un certain nombre de sociétés du monde 2. Clairement, la domination masculine recoupe un aspect exploitation, c'est l'exemple typique que j'ai cité des big men néo-guinéens, les hommes riches. Ils sont riches, ça leur permet d'épouser, d'être polygames, et la polygamie renforce leur richesse. Et donc il y a clairement un renforcement mutuel entre la domination masculine et l'exploitation des femmes. Et donc l'exploitation des femmes est une dimension... donc pas universelle, puisque dans un certain nombre de sociétés, typiquement les Iroquois, elle n'existe pas, et donc c'est pas la voie unique, mais c'est une des voies, en tous les cas, qui a sans doute préparé l'apparition des classes sociales, etc. Maintenant, clairement, il y a un certain nombre de sociétés où il y a domination sur les femmes sans qu'il y ait exploitation. Les Inuits... ça me paraît très compliqué de dire ils exploitent leurs femmes. Ils les font travailler dur, mais eux-mêmes travaillent très dur aussi. Est-ce qu'ils bénéficient matériellement du travail de leurs femmes plus que les femmes ne bénéficient matériellement de leurs travaux? Je ne crois pas qu'on puisse l'affirmer. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont un certain nombre de droits sur les femmes qui ne sont pas réciproques, et clairement, il y a une domination. Et donc, je pense que ça s'explique par la division, par les modalités de la division sexuelle du travail qui a réservé aux hommes partout le monopole de la violence, qui fait que, un peu partout, quand il y a des arrangements de mariage, les hommes ont tendance à disposer des femmes bien davantage que les femmes ont tendance à disposer des hommes, parce que c'est celui, en gros, la célèbre réplique, dans la vie, il y a ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent, toi tu creuses. Dans les sociétés primitives, il y a ceux qui ont les massues et les arcs, et puis celles à qui on dit tu vas aller épouser machin. Alors c'est pas toujours comme ça, il y a un certain nombre de sociétés où les femmes ont leur mot à dire. Encore une fois, il y a des possibilités de contre-pouvoir. Mais il y a toujours ce pouvoir-là aux mains des hommes. Et il y a des sociétés qui le disent, mais avec une franchise absolue. C'est-à-dire que, comment il s'appelle, Descola, là, qui a été étudié un sous-groupe de Givaro, dans le sous-groupe où il est allé, les hommes n'exploitent absolument pas le travail des femmes. Il dit d'ailleurs, il y a une... Il y a un respect du travail des femmes tout à fait remarquable. Ils vous disent jamais c'est du mauvais boulot ou c'est indigne ou la culture c'est moins bien que la chasse ou etc. Il n'y a jamais un mot de travers là-dessus. Enfin, ils ne le pensent pas, ils ne le disent pas, etc. Mais dès que vous attaquez les questions matrimoniales, alors là, il n'y a pas photo. Les hommes disent, les hommes ordonnent, les femmes obéissent, et celles qui obéissent pas, ben, on fait sa fête, quoi. Enfin, voilà, parce que c'est les hommes. Comment dire, les alliances matrimoniales, c'est le moyen aussi par lequel se règlent les rapports conflictuels, enfin les alliances. On fait de la politique extérieure en se mariant, etc. Et comme les hommes, ben, dans ces sociétés, la violence est quand même, on est quand même un peu en état de guerre larvée perpétuelle, alors des fois au sein du groupe, mais si c'est pas au sein du groupe, c'est en tous les cas avec le groupe d'à côté, et ben, disposer des alliances matrimoniales, c'est un des moyens de régler ces affaires-là. Et du coup, je ne sais plus ce que c'était la troisième question. Pardon. Et voilà, et pardon, et quand je dis que l'idée moderne d'égalité des sexes, elle n'est pas par hasard sous le capitalisme, mais elle naît justement parce que le capitalisme, c'est ce qui a généralisé la marchandise et la vente de la force de travail, et que c'est ça qui explique pourquoi nous, on pense que l'idéal des rapports entre les sexes, enfin je dis nous, j'espère ne choquer personne en mettant tout le monde là-dedans, mais enfin, en disant que la société de l'avenir, il faudra que ce soit une société qui ne fasse plus de discrimination et de différence entre les sexes du point de vue des occupations sociales, je crois proposer une explication matérialiste, marxiste de la chose. Après, c'est comme tout, être marxiste, c'est une, comment dire, c'est une méthode ou une manière d'essayer de résoudre les problèmes, ça ne garantit pas la qualité de la solution. Hein. Et je ne sais plus ce que c'était la troisième question. Par rapport à ça, sur le fait que l'idée d'égalité homme-femme est née avec le capitalisme, déjà, est-ce que ça veut dire qu'il faut que la société soit asexuée? Mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut penser par exemple de Jules Falquet qui nous dit que justement le capitalisme entraîne une détérioration du rapport entre les sexes, donc notamment du fait de la féminisation de la pauvreté, etc. Et parce que finalement, et du salariat. Et donc c'est vrai que je sais pas, et j'aurais aimé avoir par exemple un exemple qui disait d'une institution qui a été créée pour résorber les inégalités et qui au contraire les avait empirées. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de Jules Falquet? Bah, du bien d'abord, parce que c'est ma collègue et copine de Paris 7, et puis qu'on a fait plein de grèves et de manifs ensemble. Alors, je ne connais pas le détail de ce qu'elle dit. Sur ce que vous en citez, je dirais bien que ce n'est pas incompatible. Le capitalisme peut avoir des effets contradictoires sur tout un tas de choses et faire naître en même temps les conditions pour résoudre un certain nombre de problèmes tout en les aggravant. Comprenez, le capitalisme, il a développé la science et la technique sur une échelle absolument jamais vue jusqu'alors, et il a mis par exemple les moyens de résorber tous les problèmes de malnutrition et de famine. Très clairement, on est la première société dans l'histoire où ça pourrait ne plus être un problème du tout. Je ne sais pas s'il y a des stats qui existent à ce niveau-là, mais il n'est pas impossible qu'on soit aussi la société dans l'histoire où il y a une partie, la proportion la plus importante de la population qui ne mange pas à sa faim. Et ça paraît contradictoire, enfin, c'est pas le raisonnement qui est contradictoire, c'est la réalité qui l'est. Le capitalisme, comment dire, il a créé une économie mondialisée qui permet à l'idéal internationaliste de, comment dire, d'avoir une base réelle. Enfin, je veux dire, si aujourd'hui on dit l'économie étant mondialisée, c'est une absurdité qu'il y ait des frontières, et l'humanité de l'avenir, c'est une humanité où il n'y aura plus des luttes nationales, ça me paraît être quasi presque du bon sens. Ça n'empêche que par moment, il a créé des guerres mondiales où les nations se sont entre-déchirées en faisant des dizaines de millions de morts. Et il peut en même temps avoir créé les conditions. Alors, est-ce que c'est bien ou mal? Ça, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on pense qu'une société asexuée, encore une fois asexuée, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais je voudrais. Mais là, vous avez dit que l'égalité est née avec l'idéal. L'égalité est née avec le capitalisme. Ouais. Là, le fait que tout le monde mange à sa faim, c'est pas comparable. Ben, c'est pas, enfin, par certains côtés, c'est pas comparable. Ce qui est comparable, ce que je veux dire, c'est que le capitalisme peut en même temps avoir fait naître un certain nombre d'éléments de solution à des problèmes, tout en ayant aggravé les 10 problèmes. Enfin, voilà. Et donc, du point de vue des rapports entre les sexes, moi, il me semble absolument incontestable. Enfin, si c'est contestable, il suffit de me donner un contre-exemple, mais justement, j'en connais pas. L'idée de l'égalité des sexes, tel que nous on la pense, c'est-à-dire, encore une fois, il ne devrait pas y avoir des métiers d'hommes et des métiers de femmes, il ne devrait pas y avoir des droits d'hommes et des droits de femmes, c'est ça. Quand je dis une société asexuée, c'est ça. Après, ça, est-ce que ça veut dire que les gens vont se comporter pareil pour tout? Mais enfin, il n'y a pas de raison que les femmes soient au fourneau pendant que les mecs... voilà. Il n'y a pas de raison que les bistrots, ce soit pour les mecs et que les femmes n'aient pas le droit. Enfin, voilà, c'est ça l'égalité des sexes. Hein. Bon. Et bien ça... Je n'ai jamais vu ni aucune société, ni même aucun individu formuler une telle idée avant le XVIIe siècle. Voilà, et même les sociétés primitives les plus égalitaires au sens où il n'y a pas de domination masculine avérée, sont des sociétés de ségrégation, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a les trucs d'hommes et les trucs de femmes. Pas forcément de domination, mais il y a une espèce de ségrégation admise pour tout un tas de domaines de la vie sociale. On ne s'assoit pas du même côté du feu. On ne fait pas les mêmes boulots, on n'a pas les mêmes rites religieux, et vous êtes rangé dans une case. Alors des fois, on vous autorise à être dans une autre case que celle où vous devriez être. Enfin, il y a des jeux très compliqués autour de ça, mais il y a des cases. Et l'idée que dans la société, il ne devrait pas y avoir des cases liées au sexe, c'est une idée produite par le capitalisme. Encore 2 minutes pour une question et une réponse. La question. D'accord, j'ai dû zapper des questions, je suis désolé. Une dernière. Non, mais compte tenu de la difficulté justement d'utiliser le modèle de la classe et du rapport entre la relation avec la classe dans les mondes 1 et dans les mondes 2, pourquoi ne pas recourir éventuellement aux idéotypes weberiens dans ce cas-là, c'est-à-dire à prendre les formes de domination qui sont les formes de domination statutaire, l'idéal type pur du statut, et les formes de domination qui sont les formes de domination de classe. Donc on dirait, dans ce cas, on a des formes de domination sans classe mais avec statut, mais ce n'est pas encore l'univers dans lequel il y aura des formes de domination de classe, qui, y compris d'ailleurs, peuvent avoir des dimensions statutaires. Et donc on pourrait très bien avoir deux formes relativement pures, quitte à les rapprocher après du centre du spectre et à les combiner pour pouvoir avoir des formes de transition entre les deux. Donc, Weber pourrait être un outil dans ce cas-là, à la limite. C'est bien possible. Je pense, enfin, tout dépend de ce que vous entendez par statut. Est-ce que c'est forcément des choses de naissance? Pas forcément, non. C'est, en général, les formes de prestige social, plutôt. Ça fait des valeurs sociales, les formes de prestige social liées à la distinction et au rang, en fait. Moi, je vais finir par une conclusion assez, pas pessimiste, mais enfin assez, entre guillemets, sombre. Mais je pense qu'en réalité, on n'en est qu'au tout début et au balbutiement sur ces histoires-là. Ne serait-ce que, vous voyez, cette fameuse classification des sociétés. Je pense que Testard est le premier à avoir essayé de s'y coller sérieusement. Ça fait 120 ou 150 ou 200 ans qu'il y a des gens qui font des sciences sociales, et en réalité, on n'a toujours pas de classification un peu robuste de l'ensemble des sociétés. Et justement, dès qu'on arrive, alors déjà dans les sociétés de classe, on a tendance des fois à se retrouver avec une espèce de chewing-gum où on ne sait plus très bien si c'est du féodal, de l'asiatique, du machin, et on voit du féodal partout, ou alors on en voit nulle part. Enfin, on a vraiment du mal. Même chez les marxistes, il n'y a pas de consensus pour savoir pour ranger, voilà. Et puis, dès qu'on quitte le monde des sociétés de classe et qu'on arrive dans les sociétés primitives, alors je ne sais pas, quelqu'un a cité Brian Hayden, c'est lisible. Enfin, son petit bouquin, là, L'homme et l'inégalité, quand vous essayez de dire, bon, alors, voyons voir clairement qu'est-ce qu'il est en train de me raconter. Et clairement, il est en train de me raconter de la bouillie. C'est-à-dire que, en fait, d'une page à l'autre, il y a un peu de don, un peu de prestige, un peu de statut, un peu de machin, un peu de truc, et voilà. Mais en réalité, on n'a pas de... Voilà. Alors, moi, je pense que... J'avoue bien facilement que... J'ai que des questions et j'ai pas beaucoup de réponses. Testard, il a essayé de faire un certain nombre de réponses et il avait les moyens, parce qu'il faut voir aussi, avant d'être capable de proposer des catégories qui tiennent la route, il faut voir la masse de données qu'il faut s'en fier. Hein. L'ethno, c'est pas une. Récemment, je me suis mis un peu dans l'Australie, j'étais tout fier de moi parce que sur Internet, j'avais récupéré quelques dizaines d'ouvrages traitant de l'Australie, tous du 19e, je précise, hein, rien que de l'ancienneté. J'ai écrit à un australianiste en disant ah, j'aimerais bien essayer de faire une base de données sur l'Australie, etc. Le mec me dit, bon, ça existe déjà, il y a un gars qui l'a fait, il y a 10 000 entrées. Donc, rien que sur l'Australie, vous avez 10 000 livrés articles qui parlent des aborigènes. Quoi. Et sachant que l'Australie, c'est ça parmi les sociétés primitives, donc ouais, avant de maîtriser la masse de matériel. Mais je crois qu'effectivement, on est embêté parce qu'on n'a pas de... clairement, on n'a pas un jeu de catégories comme peuvent avoir les biologistes, comme peuvent avoir les géologues, comme peuvent avoir tout un tas de gens, qui ensuite peuvent du coup essayer de bâtir des raisonnements à partir de là. Et nous, on a ce problème d'une réalité en plus compliquée, parce que c'est vrai que la société, c'est pas, encore une fois, les espèces, si elles se reproduisent entre elles, vous dites c'est la même, si c'est pas le cas, c'est bon, on a un critère formel, mais nous, on n'a pas ça, et voilà, il y a du boulot, quoi. Désolé pour cette conclusion un peu, un peu normande, mais... Merci, Aurélien. Merci beaucoup. Merci à vous. Prochaine séance, le 10 décembre, Myrna Safi, les inégalités ethno-raciales.